Wesh cousin, c'est MC Tu Kiffes, le rappeur qui casse tout. Et moi j'écoute Actu Solite le lundi soir parce qu'il y a du bon son, t'as vu? Tout le monde écoute Actu Solite. Actu Solite sur Indestar. C'est foué. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Vous écoutez Actu Solite sur Indestar de 21h à 23h. Plus d'heure à peu près. Il nous a tout niqué l'autre là, Teddy là. Il est pas synchro. Mais il est pas dans l'équipe en même temps, Teddy. Voilà, ça y est, t'es attaqué. C'est quoi ce racisme? Faut l'écouter notre émission plus souvent. T'es pas encore embrigadé, tu vois. C'est vrai. Sous l'effet de la dictature Actu Solite, ouais, de la dictature Amel. Oh les bâtards. Oh, de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un moustique. Ah, c'est pas ça qui m'a touché. Et bah voilà, vous êtes piqué. Alors si vous avez Twitch, hein, si vous êtes sur indestar.fr et que vous cliquez sur le petit bouton violet, vous nous suivez en direct sur Twitch et vous voyez les moustiques qui piquent Amel. Non, pas trop parce que j'ai pris deux brioches, donc je m'en veux un peu, donc regardez pas Twitch. Ça va, on voit pas en dessous de la ceinture. C'est vrai. Il ment un petit peu quand même. Attends, c'est noir. Non, mais attends, tu vois les nibards en dessous, tu vois un bourrelet. Mais frère, c'est mes quatrièmes seins, tu sais pas toi. 1, 2, 3, 4. Non, moi il y a un truc qui me fait rire, c'est qu'il dit ouais, ça va, ça se voit pas en dessous de la ceinture, sauf que ton vent se trouve au-dessus de la ceinture. Et en plus, j'ai remonté mon jean jusqu'en haut pratiquement. Ah ouais, tu peux pas faire mieux là. Ah oui, tu caches ton bourrelet en dessous. Ah tu l'aplatis. Ah, tu l'aplatis, ouais. Ah oui. Comme c'est... ça se disperse partout dans le corps. Genre dans les bras, ça fait bouc. Arrête. Bon, on voit tes tatouages aussi. On voit vos tatouages. Vous avez des tatouages toutes les deux. On voit une petite lune, on voit un papillon. Ouais. Chez. Laquelle la lune là parce que... Laquelle est la lune la... Voilà. Non, mais on est une émission classe, hein, sinon, Actu Solite, t'as tout à l'heure. On a chaud aussi. On a chaud. Là, ouais. Il fait chaud. Je sais pas s'il fait chaud chez vous, mais dans le studio, il fait vachement chaud. Il fait chaud partout. Ah, mais j'ai ouï dire. En Norvège, je pense pas. Ouais, alors déjà, J'ai ouï dire. J'ai ouï dire que. Alors là encore, ça va. Tu vois, là, on peut se plaindre, mais ça va être pire le reste de la semaine. Et dans le reste de la semaine, ça va être pire ici que dans le sud de la France. Ouais. Ah bah oui, c'est sûr. C'est un bâtiment préfabriqué, du coup, c'était une étuve. Non, mais je veux dire, la région centre-Val de Loire va être plus chaude que le sud de la France. Attends, on est à 41 samedi. 41 quoi. Ah ouais. Et à l'ombre, genre. Ah ouais, heureusement que je suis dans un magasin. À l'époque, Jean-François Maurice chantait 28 degrés à l'ombre et j'avoue, aujourd'hui ça va être 41 degrés. J'avoue, t'es bien toi en été avec la clim et tout. Je suis quand même de côté boulangerie, donc il fait quand même chaud. Mais ouais. Bon, je peux aller dans le congélateur ou voilà. Il va se renfermer dans le congélateur. Je le fais, rigolez pas, je le fais souvent. C'est vrai. Ouais. Tu m'étonnes. Un petit coup de chaud, hop, congèle direct. Oui, bah c'est ça, pas. C'est ça. Je sais pas pourquoi on se prend la tête, je vais dire à mon copain, viens, on va acheter un bahut comme ça, dès qu'il fait chaud, congèle direct. Ou c'est un gosse. Oui, ça c'est la petite vanne sympathique. Ça acheter un froid des familles. La vanne qu'on sortira à 22h. Mais en même temps, si vous l'écoutez en podcast, je relève même plus les jeter un froid et tout. Mais non, la tilté 10 secondes après. Oui, bah oui. Mais c'est bien déjà la tilté parce qu'Amel elle a même pas tilté. Je trouve que je suis de plus en plus rapide à comprendre les blagues. Non, c'est vrai. Avant c'était une minute après. Non, c'est vrai. On serait bientôt synchrone. Mais pourquoi bientôt. Il y avait un truc par. Tu vois c'est acheté un froid. Congèle froid. Si je dois l'expliquer, c'est devenu une blague. Moi je l'avais quoi. Tu vois, je t'ai dit qu'elle était à la masse. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? On oublie mes. D'accord. Qu'est-ce qu'on a fait ce week-end? Bah, ça a pas changé depuis lundi. Non, c'est vrai qu'on en a parlé lundi, mais je sais plus ce qu'on a dit. On était ensemble. Dimanche. Ah oui, on a été, oui. On il s'en souvient plus, putain. Ça y est, je me rappelle. On a été faire quoi tous les deux? On a été au poulet grillé. Au poulet grillé, la fête du poulet grillé. Ouais. Ça doit sentir bon. Bah, ça sent le poulet grillé. Ça sentait la pluie. Non, il y en avait plus. Quand on est arrivé, il n'y avait plus de poulet grillé. Ouais. Par contre, il y avait la pluie. Ouais. Et il y avait des voitures anciennes un petit peu. Ouais, et une vingtaine. Et puis, il y avait des manèges. C'est une petite fête de village en fait. Donc, ils font tout un peu. Dans un village qui s'appelle Ville-Domé. Ville-Domé. Ouais. J'ai jamais réussi à retrouver le nom du. Personne n'a réussi à retrouver ça. C'est où ça? C'est perdu. Ah, attends, tu veux vraiment ville perdue. Ouais, ça connaît. Non, c'est entre Tours et Blois, quoi. Pas loin de Château-Renaud. Château-Renaud, quoi. Ah, mais si, je connais, c'est par là que je vais pour aller chez mon dentiste. Eh ben, c'est Putain, tu vas loin. Bah, en même temps, les dentistes, il n'y en a plus. Ouais. Il est à Blois, le mien. Bah, si, apparemment, il y en a un en Boise. Oui, mais il met trois pompes à. Non. Dans la campagne, maintenant, il n'y a plus de. Le mien, il est génial. Oui, mais ils prennent plus. T'es obligé d'attendre 6 mois pour un rendez-vous chez le dentiste. Moi aussi, la prime à Eva. On appelle les déserts médicaux. Et il est très bien, mon dentiste sur Blois. T'es bien. Je le garde. Voilà. Ouais. Il t'a pas trop fait mal? Non. Ouais. Et en plus, il est quand même. Moi, je t'ai conseillé maintenant un ostéopathe qui fait pas mal non plus. J'avoue que j'ai choisi mon dentiste parce qu'il est beau gosse aussi. Il a un accent. Il a un accent. On n'a pas le même parce que le mien, il est beau gosse aussi, il a un accent aussi, non? Ouais. Il s'appelle docteur Meyer. Meilleur, ouais, mais... c'est le meilleur. Magie en français, mais ça c'est moins beau. Moi je crois que c'est Docteur Florea, je crois. Ou, ouais. Putain. Et on représente même les docteurs. Même le nom est sympa. On représente les dentistes, t'as vu bien. Ouais. Moi je suis content dentiste. Bon, ce soir qu'est-ce qui nous attend, Amel? Sinon moi ce week-end j'ai été fêter. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Alors j'ai oublié cette question. J'ai été fêter les 50 ans de mariage de mes grands-parents. D'accord. Donc salle des fêtes et tout ça. Donc, ah, voilà, c'est marrant, moi aussi. Non, comme si vous croire que vous avez les mêmes. Ouais. Putain, on était ensemble, merde, je t'ai pas vu. Oh, dis donc. On a dû se croiser quand même. Dans la voiture, il me semble. Ouais. Vrai, et c'était bien. Ça va, c'était bien. Ouais. Il me semble que Anaïs, ça s'est couché super tôt. Bah, je suis partie à 2h30. Ouais. C'est ça, super tôt. Alors, non, mais alors que papy, 70 ans, là, il était à danser, ils m'ont montré les danses là. Ils sont rentrés à peine une heure après nous, hein. Bah, oui, 3h30. 3h, et papy de 70 ans, il était à danser la chenille, quoi. En même temps, c'est l'invité, il faut bien qu'il reste jusqu'au bout, tu vois. Ah putain, ça dansait la chenille. Non, ça dansait pas la chenille, c'était Sébastien Patache. One, two, three, four, five, everybody, bop, body, bottom. C'est pas mieux, mais bon. Arrête, ils ont 70 ans aussi. C'est vrai, 72. Ils ont l'âge d'écouter du Johnny Hallyday. Mais attends, 72 ans ? Ah oui, ça veut dire qu'ils sont mariés tôt quand même. Globalement. À 22 ans. À 22 ans. Oh putain, on est à à votre âge, quoi. Ouais. Oui, mais en même temps, à l'époque, tu te mariais super vite. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et tu restais avec la personne jusqu'à la fin de ta vie. Eh oui. C'est une mauvaise époque. ouais, exactement. Si, parce que c'était mignon, parce que mon grand-père, il a fait un petit discours. C'est mignon, ça c'est beau. En disant qu'il s'aimait encore super fort. Ouais, bah ça, c'est parce que t'es sous la contrainte. Et tu vois, dans la famille de ma grand-mère, ils détestent, genre, pleurer ou montrer, genre, juste une petite larme de bonheur, tu vois. Ma grand-mère était là, bon, allez, on va bouffer là ou quoi. Excellent. Parce qu'il y avait de la bonne bouffe. Le soir, ils sont rentrés. Ils sont rentrés et le papy il a dit putain, elle est où ma pantoufle, c'est encore toi là. C'est ça, ils sont tu l'as encore foutu sous le lit, c'est pas possible. Mes grands-parents, ils sont grave modernes, en vrai, je te jure. Ah, ils ont pas la pantoufle. Non, ils ont pas la pantoufle. Ils ont la claquette chaussette. Ouais, c'est ça, là, c'est la claquette qui balance sur la gueule, c'est vachement c'est moderne. Vrai, papy en plus, il est en claquette chaussette généralement. Ah bah, tu vois, voilà. Ça devrait être interdit, tout genre de papy. Le style. Ouais, et trop stylé. Non, mais ils sont sympas. Ils sont, Antoine était comme ça aussi. Mais il est toujours. Ouais, il est toujours. Ouais. La claquette chaussette. C'est pas de bol. C'est héréditaire. C'est héréditaire. La classe, hein. C'est la beaufitude. Bon, bah voilà, donc vous avez passé un bon week-end globalement. Donnez-moi de la moulinga. Désolé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est la musique de fond qu'on entend. Ah ouais ? Ouais. Pourquoi on met un bed ? C'est vrai qu'on se demande pourquoi on met une musique de fond. Ouais, c'est peut-être mieux le bed, hein. C'est dégueulasse, hein. C'est vraiment, on s'excuse parce qu'on voulait pas vous mais surtout, faire profiter ça, tu l'écoutais il y a 4 ans. Non, ah non, non, jamais en fait. Ouais, non, jamais. Jamais. Au moment où elle est sortie. Non, non, mais même vraiment, non. C'est pas de la vraie musique. C'est... Ça, c'est du vocodeur. Oui, il chante pas, le gars. C'est pas... Il chante comme moi, les gars. Voilà. Et après, il met un vocodeur et ça fait comme s'il et chantait plus normal. Plus tu chantes mal, plus ça marche. Bien, ouais. Ouais. C'est ça, l'idée. Je peux avoir ma souris. Souris, bah si tu veux, t'es en direct. Pourquoi tu veux une souris ? Merci. Je sais pas, parce qu'elle est de mauvaise humeur. Je vais demander à mon chat d'aller t'en chercher. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu as ? Je sais pas pourquoi ils t'ont fait. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais alors là, si tu veux savoir ce qui se passe dans l'émission, c'est ça, t'as perdu le contenu de l'émission ? Non, mais pas du tout, je voulais rebaisser. Ah, ok. Alors, c'est qu'est-ce qui que se passe travail, dans ces émissions ? Eh ben, on va partir. On va partir. On va partir. C'est cette semaine. Nouvelle enquête, Actu Solite. Exactement, nous nouveau recto verso. Oui. Ouais, je pars avec vous. Notre stagiaire. Alors Teddy, Anaïs, stagiaire. Amélie, vous allez à Saint-Louis, dans le Missouri. C'est aux États-Unis, Anaïs, hein, pas en Bretagne. Et tu vois, je t'ai demandé une souris tout à l'heure. Dans le Missouri, ouais. Bon jeu de mots. J'ai Glenn Sturgis. Alors je sais pas si vous connaissez le manager un peu teubé de Cloud 9, la série Superstore. Non. Ah, c'est dommage. Il m'a envoyé un mail. Alors il m'a envoyé un mail en 2016. Alors, on a un petit peu de retard dans le tri des mails, je le cache pas. Il était complètement paniqué parce qu'il y a eu la tornade qu'ils ont subie et qui a détruit une bonne partie du magasin et qui a fait malheureusement disparaître un employé. Brett. Oh. Cool. On n'est pas sûr qu'il soit mort, mais on a quand même retrouvé un pied. Oui, bref. Voilà. Mais c'est pas ça qui affole Glenn, en vrai. Ah non, c'est même pas le pied trouvé. Comme non, ça, c'est... en fait, il a regardé les caméras de surveillance et il a vu que Amy avait giflé Jonah. Alors, Amy et Jonah, c'est les personnages principaux de la série. Donc, Amy a giflé Jonah pendant la tornade, d'accord ? Okay. Alors qu'à la base, c'est la scène où il doit s'embrasser pour la première fois. Ah, donc, ça remet toute la série en péril, cette histoire. Est-ce que c'est pas deux filles ? Non, Jonah, c'est un garçon et Amy, c'est une fille. Ok, donc votre mission, ça va être de trouver le truc qui fait qu'ils se sont embrouillés et qu'ils se sont fâchés comme ça pour pouvoir remédier à la situation et retourner l'épisode pour continuer la série. Ok. Donc vous allez repartir en 2016. C'est pour ça que j'ai loué une DeLorean chez Kiluto. Elle est à l'extérieur, vous pouvez y aller. Normal. Et puis je vous souhaite une soirée paradisiaque. Merci. Ouais. Ciao. Voilà. D'accord. Vous avez votre mission. Maintenant, à vous de jouer. Hein. Ok, ok. Ok, bah on va essayer. Hein. C'est personne ne connaît la série. Non. Ah non, c'est con. Je l'ai hein. pas vu. C'est con parce que. Voilà, il m'a dit quoi en plus, il m'a envoyé un message, il me fait Amélie, vu que t'en arrives, en t'as rien à foutre. Rien à foutre, bah regarde oui. La série. Et toi, tu regardais la série. Hey, j'ai regardé les feuilletons sur la 1, tu sais, genre trop chiant. Genre, J'adore. Comment... Demain nous appartient. Comment tu peux faire non, ça? Non, pas ça. Sur la 2, ça. Tu sais, non. Genre, par exemple, mon beau-père, ce beau gosse. Non, mais tu sais, genre, en gros, les caméras cachées, les fakes. Non, les films. Genre, les films sur la 1 après les infos, là. C'est horrible. Un peu comme les films de Noël et tout, les films d'amour et tout, là. C'est ça. Oh putain, c'est chiant. C'est pour vraiment combler le vide télévisuel qui a déjà de manière générale. Ça occupe de 14h jusqu'à 17h30. Ah, ouais, c'est pour faire la sieste. C'est typiquement le genre de programme qui te mettent pour t'endormir dedans. Ah ouais, bah moi je m'endors pas dedans. Avant il y avait Derek et puis mais c'est ça un petit problème. C'est presque les ans. Ton petit plaisir. On chante. Bah oui. Parce que les autres ils chantent, alors nous on peut chanter aussi. Magic in the air. Non, c'est pas ça. Le chant des migraines. Chant des migraines. Et un aspirine. Quoique, on sait pas. Ouais, peut-être deux. Bah à vous de voir. C'est pas le chant des sirènes. Ah, il est saoul avec ce chant des sirènes. Le chant des migraines. Il va se prendre des baffes, le Teddy. Ah, surtout, mets tes microbes dans le micro, on te dira rien. Toi. Bah, c'est le mien, je m'en fous. Ouais, bah. Oui. Non, mais c'est qui fois qui a par cette semaine. Place demain C'est Kevin. C'est pas grave, vas-y. Alors, le chant des migraines, pas compliqué, comme toutes les semaines. Hein. Mm-hmm. On devrait inviter tous les gugus d'à côté à venir chanter avec nous. Je vais vous proposer un mot. D'abord, ils vont t'entendre, on va sortir tout à l'heure pour la pause. Ouais. C'est qui les gugus là? Je pense pas que nous, ils nous entendent. Par contre, on les entend bien. Ouais. Donc je vais vous proposer un mot et vous allez devoir me chanter une chanson directement sans buzzer, etc. qui contient ce mot-là. Donc okay. Soit dans le titre, soit dans la chanson. Il n'y a pas de thème. Non, ce soir il n'y a pas de thème en particulier. Ouais, tu t'es dit on va mettre. Antoine m'a donné deux mots. Ouais. Il fait tiens j'ai deux mots pour toi et tout machin. J'ai peut-être une chance. Il y a une chanson qui est en rapport avec ces deux mots. Pardon. Ou il te les a dit au pif ces mots. Il m'a dit non, des mots comme pas. Ça. Il m'a était xylophone et trop. Il t'a mis, il t'a dit des mots bleus, les mots qui se disent qu'avec les yeux. Ah, il est pas aussi beauf que ça. Je vais pleurer. C'est pas beauf. On va pleurer. Christophe, attends. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le premier mot? Non. Oui. Oui. Le mot fils. C'est ma fils, ma bataille. C'est mon fils, ma bataille. Il va mieux qu'elle s'en aille. Mais tu casses. Et là. Tu sais que ma mère, elle avait ça comme sonnerie avant pour son téléphone, genre dès qu'on l'appelait. C'est mon fils, ma bataille. Ah, c'était que pour Antoine. Et ça. Maintenant, quand c'est clair. Et... Non, j'ai un deuxième frère aussi. Ah oui, c'est vrai, Alexandre. Non, c'est l'autre le favori. Alexander. Et tu sais que maintenant, quand on voit un message à maman, c'est le bruit d'une grenouille. Ah ah. Sans déconner. Elle est originale ta maman. C'est votre maman. Bref. Ah ouais. Non, c'est pas la mienne. Je la connais pas. Tu renies. C'est simple, on a dit qu'elle avait des jumeaux. Anaïs est sortie, ils se sont dit merde, on avait promis des jumeaux. Ils ont été me chercher à la pouponnière. À la pomponnière. Pouponnière. Ah oui, si, c'est un. Oui, c'est. Ouais, on dit deuxième mot, les gars. Ouais. Partir. Un jour sans retour. Un jour sans retour. Non, je l'ai. Faut la chanter. Parce qu'elle est pas la suite. Notre amour. Elle t'a laissé. On partir un jour sans retour. T'as tout recommencé. Partir. Bon, je l'ai. J'ai deux points. Pas du tout. Mais je les note. To be free. J'ai to be free. Oh, trou du cul. C'est pareil. Non, rien à voir. Mais alors, rien à voir. Trou du cul. Je les note, les points, t'inquiète pas. Super. Ils sont deux. Troisième mot. Alors, ce mot-là peut être soit en anglais, soit en français. Je vous laisse le choix. Impossible ou impossible, comme vous voulez. Impossible. Impossible. Je sais plus. Impossible. C'est possible. Ouais. Parce qu'elle chante. Hein. Si, mais c'est. Merde, comment il s'appelle? C'est un anglais James là. Arthur. Ouais, voilà. Ouais. Moi, je l'ai chanté en français. Hein. Ouais, mais je t'ai dit. Mais les deux. Hein. Et t'avais la chanson de Sarah, le cover. Ah oui, mais c'est une reprise. Bah, c'est une cover. Bah oui, des reprises de qui? De James. Bah, je te l'ai dit, James Arthur. Ah, d'accord, oui. Ah, bah oui. Oui, bah, c'est celle dont on vient de parler. J'ai accepté aussi. Mais du coup, okay. Non, du coup, c'est moi qui ai le point. Mais j'en ai un aussi, moi. Mais j'ai ouvert ma gueule bien avant mais toi. Mais non, c'est parce que tu gueules plus fort. Mais non, j'ai ouvert ma gueule bien non, avant toi. J'ai fait, mais j'ai ouvert ma gueule. Personnellement, j'ai entendu Amélie en premier. Voilà. Oh, allez, bim dans ta gueule. Genre, alors toi. Le point est formé. Crie plus fort. D'accord, je crie plus fort. Quatrième mot, Angela. Angela, one and for two, passons par là. Angela, ils chantent pas la même chose. Angela, quoi? On a dit la même chose en même temps. Ah non, vous chantez pas la même chose. C'était pas vraiment les mêmes paroles. Non, c'est pas les mêmes paroles, c'est pas possible. J'avais l'impression que c'était d'anglais. Partout. Non, par contre, en termes de vitesse, ils l'ont vraiment dit en même temps. Ouais. Oui, on ça, l'a par dit, contre, oui, dit en même temps. Bah voilà. Bah moi, c'est la chanson Angela, appelle-moi ce soir et neige des merdes de parce que je pense mais que non mais parce que c'est une reprise que... votre merde là. Parce que toi tu l'as version française et toi tu l'as version mais non mais moi c'est la vraie version. Mais je m'en bats les couilles, c'est une version quand même. Mais vous c'est un espèce c'est de truc de remix. On se calme les gars. Je m'en bats les couilles. Me suis donné le point. Non mais tu me donnes le point, vas-y. Attends, ça va. Je vous ai donné chacun un point, wesh. Non. J'aimerais faire ça dans PK. Ok. V-A-I-S. V-A-I-S. Je vais. Je vais. Genre, je vais. Vamos à la playa. Non, ça marche pas. Non. Je... Merde. Je vois pas. Alors là, je sèche. Je vais. Je vais. Je vais où? Je vais là-haut sur la colline. Non, je vois pas. Attends. Non, elle l'a pas. Ah, si, je l'ai. Non, tu l'as pas. Oh, je m'en vais. Je m'en vais. C'est ça. Joli. Bah non, t'as dit je vais. Non, V, mais. V-A-I-S comme je vais. Et ben elle a dit je m'en vais. Parce que le jeu, il était pas dans mon truc. C'était le mot V. Ouais. Oh putain. C'est le verbe aller, V. Ah ouais, d'accord. Et c'est ça, c'est Vianney. Ouais. Ah merde. Du coup ça fait 3-3 chacun. J'ai une égalité, je suis allez, deg. T'es dégoûté. Je deg. Vas-y, va chialer. J'étais meilleur quoi. Ouais. Non mais arrêtez de vous prendre la tête comme ça, c'est dingue. C'est vrai que ce soir on est. C'est ma fils, ma bataille. Fallait pas qu'elle s'en aille. Oh voilà. Synchro. Oui, c'est vrai que c'était synchro, mais on est synchro globalement. Oui, ça va. On est une équipe de synchro. On s'entend assez bien normalement. Ouais. On s'entend à merveille, on dit. Sauf quand on se tape dessus. C'est toi qui as voulu me taper dessus. Du coup, on va peut-être se taper dessus, mais on va envoyer la musique. Ouais, pendant la musique hors antenne, on va se taper dessus. Question point, Concon arrive dans quelques instants. Avant, on écoute. Enfin, si on arrive à l'entendre, tu peux Michael dire. Moore et Lindsay Sterling avec Strip Soul Shop sur Indestar. Yes. C'est Tyler Ward et Lindsay Sterling qui reprennent Michael Moore. Vous n'imaginez pas tout ce qu'Actu Solide peut faire pour vous. À vrai dire, nous non plus. Indestar. Musique d'été. Ouais, on parle des de la boîte Lolo. Ouais. C'est aussi beau qu'à côté. Ouais. Oh là là, quel Lolo. Voilà. Alors tu peux dire que moi, que nous on a écouté du King V, mais alors c'est à peu près le même niveau. Mais toi tu connais ça. Abuse pas. Non, je connais pas ça par cœur. Mais allez, toutes les YOLO musiques tu les connais. J'aime bien la musique naze, mais juste pour me marrer en vrai. Oh mais le pire c'est que tu les connais par cœur. Non, je connais juste la quelle. Donc vous l'avez bien compris, YOLO musique. Vous en doutez, Actu Solide c'est ce soir jusqu'à 23h à peu près. Teddy m'a regardé en mode ouais c'est bon, je crois qu'ils sont. Ça me déstabilise, j'arrive pas à entendre le bed et tout, ça me déstabilise. Ah oui, non mais parce que là moi, derrière. Moi je l'entends mais j'entends de la en merde. En fait, on a Olala qui est Lolo et derrière on a Francky Vincent avec ouais, Fruit de la Passion. Donc, ah, c'est compliqué, oui. Ouais. C'est aussi une YOLO. Hein. Ah bah oui. Ah non, là c'est. Fruit de la Passion. On aurait non, pu là c'est. Voilà. On aurait pu les mettre en YOLO musique également. Ça va là. Déjà faut qu'on t'en donne une YOLO musique nous. T'entends rien. Ouais, tu la donneras. J'entends que 3 ans, ouais. Je vais aller les voir et dire oh pas ma vocale. Ouais non mais on a un animateur vedette qu'on pourrait embaucher pour faire l'animation. Qui ça? Celui qui fait la sono là, on pourrait le recruter pour faire l'animation de manège. Oui, ah oui, que de manège. Il va bien. Moi quand je suis bourré, mais c'est tout. Comment ça clash? Ouais, ça clash. Bah en même temps il est doué pour ça. Vous voulez un DJ pas cher? Appelez une des stars, on vous donne ses coordonnées. Ah bah vraiment pas cher. On vous c'est moins pas gratuit. La soirée, hein, on vous le fait moitié prix même. D'ailleurs si vous voulez appeler. Oui. Comment qu'on fait? Et bah vous, vous prenez le téléphone. Ah oui alors. Ah, merci. Bravo. Mais il faut le dire, c'est important. C'est vrai qu'on le précise jamais assez. Si vous voulez appeler, prenez votre téléphone. Déverrouillez-le. On a vraiment des cons qui nous écoutent là. Vous allez sur le clavier, vous faites le 09. Ouais. 70 407 306 et vous appuyez sur le petit bouton. Il n'y a pas longtemps, il nous a pas dit je connais le numéro par cœur. Ah, j'ai oublié, mais ça, c'est la chaleur. Non, j'ai eu un trou là. 09 70 407 306 et c'est gratos le matos. Merci bien. Avec plaisir. Le matos est gratos? Non, ouais. Mais c'est une expression qu'ils ont eu, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Il faut pas chercher. J'aime le matos gratos. Mais t'aimes bien, tu les reprends. Moi, j'aime bien évidemment. C'est vrai. Que je vous adore. Allez, bah, c'est parti. Moi, j'ai envie de jouer. Moi, Amélie, là, est dans la place. Question ah, les ça, années 90, les années télé, les questions pour un cancan. Mesdames, Instagram. Messieurs, elle est drôle, elle est sympa, elle vous enjaille chaque semaine sur Indestar et elle est enrobée de questions à vous poser. Amel pour... Question pour un concon. Et oui, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Amélie, j'espère que vous allez très bien. Oui. Oui. Ah bah tout à fait, mademoiselle Amélie. J'attendais d'avoir l'autorisation pour me le lancer, mademoiselle Amélie. Est-ce que tu as vu mon regard, Henri, en mode « je vais te niquer si tu parles pas ». Mais je me suis dit, là, je vais avoir une réduction de salaire si je n'interviens pas, mademoiselle Amélie. Déjà qu'il est bas. Il est gratuit même pour mademoiselle Amélie. C'est d'ailleurs pour vous, Henri, j'ai pensé à vous. J'ai marché, j'ai trouvé une pièce dans la rue. Donc vous avez 5 centimes. Oh, vous êtes bien bonne. Sauf qu'à l'époque, on pouvait aller chercher des petits bonbons à 5 centimes dans une boulangerie. Sauf mais que malheureusement, maintenant, c'est un petit peu compliqué. Avec l'inflation, c'est 1,50€ le bonbon. C'est exactement ça. C'est 6€ le bonbon. Ce soir, comme d'habitude, question pour un concon. Jeu de drôlerie et de funitude. Exactement, avec des candidats, des questions et un magnifique cadeau à gagner. Oui. Puisque nous vous offrons la lumière au 3ème étage. Comme ça, vous aurez la lumière à tous les étages. C'est ça. Voilà. Sauf au 2ème et au 1er du coup. Ça dépend de ton intelligence, ma chère candidate. Vous voyez, nous avons du coup ce soir, nous avons Madeleine. Elle a 26 ans. Son surnom c'est Madeleine de Prout, hein, parce que c'est une vraie merde en cuisine. Madeleine de Prout. De Prout, ah ouais. D'accord, de Prout. Parce que c'est une vraie merde en cuisine. Ok. Est-ce que vous avez compris mon petit jeu de mots? Oui, on a compris votre magnifique jeu de mots, Madeleine. C'est beau. Nous avons Julien aussi dans le fond. Il a 32 ans et puis lui, il élève des fourmis de compagnie. Ouais. Ouais, franchement, c'est génial. J'adore ma passion. Apparemment, elles s'assoient. Oui, ouais, elles peuvent même faire la roue. Ah, nickel, elles prennent leurs 4 pattes. Non, elles ont combien de pattes? Elles en ont 6. Oui, ça dépend. Ouais. Après, vous pouvez leur coller des pattes. Oui, après, vous pouvez en mettre 8, 10, oui. Ça dépend. Hein, franchement, oui, ça dépend de la variété de fourmis. Ou alors, vous les tirez pour en manger. Il y a aussi des grosses fourmis avec des poils, on les appelle des araignées, mais bon, ça passe aussi. Des fourmis qui ont plein de pattes, c'est des 1000 pattes. Exactement, voilà. C'est des fourmis 1000 pattes. On peut leur faire faire des ponts, on peut leur faire faire plein de choses. Vous dites un jeu de mots, fourmis 1000 pattes. Oh, c'est beau, on me l'avait jamais fait dans mon métier. Ça. Magnifique! Magnifique! Pensez à faire éleveur de fourmis. Fourmis le pattes. Fourmis le pattes. J'aurais dû dire ça. Et le dernier candidat s'appelle Quentin. Bonjour! Et il a 48 ans. Bah oui, alors, c'est bien le droit d'avoir une voix comme ça. Et à mon avis, sa tête vous dit quelque chose, non? Légèrement, mais je sais pas d'où. Ah, tu sais pourquoi? Parce que c'est le gagnant du concours de masturbation. D'où sa voix, mais oui! 2012, hein! Il en peut plus, il est soufflé le pauvre depuis 2012. Ça fait 6 mois que c'est terminé, il s'en remet toujours pas, tu vois. Mais c'est normal, il a une maladie, il est très rare. Alors ça date de 2012, donc ça fait un peu plus de 6 mois, mais bon, c'est pas grave. J'ai réessayé effectivement les éditions suivantes. Oui, c'est ce que je parlais, il y a 6 mois. Mais j'ai gagné en 2012. Oui. J'étais le premier. À finir? Non, il fallait tenir le plus longtemps possible. Ah, donc au jeu de la biscotte, t'es dans la merde. Bah oui. Tu fais pas de rugby, Quentin? 26 heures. Tu connais pas le jeu de la biscotte? Non, bah mon nom. Ah mince. Alors ça c'est à ma jeunesse quand alors, je faisais du rugby. Je sais pas, il faut expliquer le jeu de la biscotte en si, direct. Si, surtout sur Actu Solide. Mais est-ce que vous l'autorisez, mademoiselle Amélie? Oh bah moi j'autorise tout. Hein. Alors, tu fais partie de l'équipe de rugby. Tu installes une biscotte au milieu de tous ces beaux garçons. Une vraie biscotte. Okay. Ou une cracotte, ou ce que t'as de sec, voilà. S'en fout. Et le but c'est de baisser son pantalon et de faire gicler le poireau le plus vite possible. Parce que le dernier il mange la biscotte. Ah. Et tu gicles sur la biscotte. Voilà. Ah mais c'est horrible, ça m'a fait ça. Ah bah c'est pour ça que je vous avais prévenu, mademoiselle Amélie. Pas moi. Tu t'imagines vraiment, tu prends le dernier, t'as plein de bébés qui croustillent dans ta bouche, c'est horrible. Et de n'importe qui en plus. Non, c'est la biscotte qui croustille. Enfin, en règle générale, elle croustille plus, elle est molle. Oui, mais les bébés. Alors, si je puis me permettre, quand même, les bébés se font avec la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule. Là, ça serait plus le spermatozoïde tout court. Oui, mais il y a des bébés. Un demi-bébé, quoi. C'est pas des. Ouais. C'est une cellule. C'est une cellule. On va dire ça comme ça. Bon, on va passer à la première manche. Oui, c'est mieux. Alors, les principes, les simples, je vais vous poser 3 questions et vous aurez 3 propositions de réponses. À vous de me donner la bonne réponse en me l'écrivant sur l'ardoise. C'est pas du tout une ardoise d'ailleurs. Et vous jouez dans Question pour un concon. Ah, c'est dommage que c'était. Vous n'aurez pas rajouté cette petite phrase, vous l'avez. Oui, mais vous étiez bien, mademoiselle Amélie, je trouve. Merci Henri. Première question. Pas du tout. Première question. Oui. Oui. Certains mois de l'année comptent 31 jours. Oui. Combien en ont 28? Petit A, 0. Petit B, 1. Petit C, 12. Alors, qu'avez-vous répondu? J'ai des 12. Ah bah oui, c'était la bonne réponse. Quentin, il s'est trop masturbé, je crois. Oui, c'est vrai. Et j'ai des... un C, mais c'était quoi la réponse du C? C'était les 12. Ah oui, parce que dans tous les mois, tu as 28. Tout à fait, il y avait 28 jours. Et moi, Henri, j'étais un peu coquine et je me suis dit, je vais bien en niquer un sur ça. Il me semble que l'équipe d'ActiSolite avait participé un jour à Recto Verso. Ils avaient des devinettes, cette question en faisait partie. Il me semble que oui, effectivement. Il me semble que c'est une question qui tourne tellement souvent sur Facebook que plus personne peut se faire avoir dans le monde. Sur TikTok aussi. Eh bien, si, apparemment, Quentin s'est fait avoir. Quentin, arrête de te branler. Tu fais pas que ça. Hein. Deuxième question. Dans quel pays Tirana est-elle la capitale? Oh, c'est pas en France. Petit A. Ah bon? Je crois que c'est pas en Espagne non plus. Hein. Petit A en Thaïlande. Petit B en Albanie. Petit C à Madagascar. Madagascar. Alors, à votre avis, vous répondez sur l'ardoise, vous donnez l'ardoise pour qu'on puisse voir les réponses. On a du B. On a du B. Et à votre avis, Henri? Eh ben, c'était la bonne réponse. Et ben voilà, c'est la bonne réponse. Je suis contente. Le hasard. Mes fourmis vont être fiers de moi. Chose pour notre Madeleine. Moi, ça me change la cuisine. D'habitude, je la rate. Là, je réussis. Attention. Complétez le générique d'une célèbre série télévisée. Dallas, ton univers. Oui, évidemment. Petit A, impitoyable. Dallas, ton univers. Petit A, impitoyable. Petit B, interminable. Petit C, intersidéral. Alors, sachant qu'il pourrait y avoir deux réponses possibles sur ce jeu. Ah bon? Ah bah oui. Je parie que le B revient, en fait. Alors, parce que le dernier, je pense pas qu'il y soit, mais bon. La A pour tout le monde, mais il pouvait y avoir interminable parce que Dallas, il y en a eu pas mal de saisons. Ça a duré très longtemps. Hein. Ah, c'est oui, c'est vrai. Mais c'était impitoyable, évidemment. La bonne réponse. Bravo à tous. Merci. Pouvez-vous nous la chanter, Henri? Dallas, ton univers impitoyable. C'est tout. Il connaît que ça. Ça fait un point pour tout le monde. Nous en sommes. Alors là, il va falloir départager. Bah non, parce que Quentin. Ah bah non, c'est la bonne réponse pour Madeleine et Quentin était Julien. Trop occupé visiblement. Madeleine et Julien, c'est dommage. Quentin, vous étiez quand même à deux bonnes réponses. Vous n'avez pas foiré, mais vous avez foiré quand même. Vous rentrez broncouille. Ah bah non alors, justement mes couilles, j'en ai besoin. C'est dommage. Bon, allez. Ciao Quentin. Ouais. Ciao Quentin. Bon courage pour la suite. Hein. Merci. Il était perturbant ce type. Oui, on va passer à la deuxième manche. Hein. Il ne me reste que deux candidats et pour parvenir à la troisième manche, il va falloir buzzer le plus vite possible pour me donner la réponse sur les trois questions sans proposition que je vous poserai. Eh bien, mademoiselle Amélie, vous avez failli vous étouffer. Et vous voulez un verre d'eau, mademoiselle Amélie? Attends, vous avez failli vous faire tuer. Vous étouffer, j'ai dit. Attends, t'as dit quoi? Parce que tout à l'heure, t'as dit oui. J'ai voulu finir ma phrase avant d'avoir commencé. Est-ce que vous voulez boire, mademoiselle Amélie? Non, ça va aller. Très bien. Donc, c'est quoi d'ailleurs les buzzers? Les buzzers de nos. Tête de quelqu'un. Candidat. Alors, Julien, qu'est-ce que vous aimez comme passion? Qu'est-ce que vous avez dans les fourmis. Les fourmis. J'adore. Et qu'est-ce que font les bruits des fourmis? Quel bruit font les fourmis? Qu'est-ce que font les bruits des fourmis? La crisse. Elle crie, c'est comme les pneus, donc vous allez faire comme ça. Très bien. Quant à vous, Madeleine, eh bien Madeleine, vous aimez la cuisine, hein, c'est bien ça. Donc vous allez faire miam miam, hein, comme la cuisine, miam miam et crie. Ok, on a compris, je voulais pas le refaire. C'est à vous, madame Amélie. Heureusement qu'il y a trois questions d'ailleurs, Henri. Oui, parce que là, c'est déjà trois de trop. Première question. Dans quelle articulation du corps humain se situe la rotule? Les genoux. Ça fait un point pour Julien. Mais tu sais que j'ai dit miam miam, ça s'est même pas entendu. Il faut gueuler plus fort. Faut attendre par contre Julien que je dise oui. Ah, ouais. Il faut attendre qu'elle dise oui. Oui quoi? Parce que des fois, bah, qu'elle te donne la parole. Des fois, il y a ceux qui disent oui et ceux qui disent non. Oui. Question numéro 2. Ceux qui disent peut-être, ceux qui disent un peu. Vous avez fini? Oui, oui, ça va. Question numéro 2. Comment s'appelle le frère de Mario, les héros du jeu vidéo? Ah oui. Luigi. Oui, bonne réponse. Ah, je crois que c'est plié, hein, malheureusement. Oui, mais pour le dernier. Fun, pour le jeu. Tu me laisses la réponse. Quoi? Avec qui Jean Dujardin forme-t-il un duo? Il fallait attendre la fin de la question, mademoiselle Amélie, il avait signalé. Donc... Miam miam, allez-y. Alexandra Lamy. Voilà, très bien. Putain, j'ai pas assez freiné, bordel. Malheureusement, Madeleine s'est perdue. Oui, vous rentrez beaucoup dans la j'ai maison perdu un peu de sans rien du tout. Mais le plaisir d'avoir participé à Question pour un concon. Vous revenez quand vous voulez, 36-15 par minute, vous êtes d'accord? Ok. Au revoir. Merci. Troisième manche. Julien, allez, dernière ligne droite pour gagner. Pour cela, je vais te poser une charade et à toi de deviner le mot qui se cache derrière. Pour tu auras pour cela 30 secondes. Pour cela, 30 secondes. Ouais, oui. 30 secondes. Oui, bah tu parles avant moi, Henri. Non, non, non, non, non, non, non, je préfère. Je m'en excuse. Platement. Ça, ça m'excite, ça, ce genre de musique. Moi aussi. J'ai envie d'aller avec eux et danser. Pas grand chose. Je m'étais mis sur mon 31, mais non, la musique est meilleure. Plus bonne. On va peut-être mettre le. Tu mets le minuteur dès que je commence à parler. Ok. Attention, Julien, concentré. Oui. Oui, vous avez l'air. 30 secondes ? Oui. Attention, stop. Mon premier se trouve dans la gueule du loup. Mon deuxième se passe avant le permis. Mon troisième est au milieu de la mer. Mon tout vit dans les fleuves d'Amazonie. Mon premier se trouve dans la gueule du loup. Mon deuxième se passe avant le permis. Mon troisième est au milieu de la mer. Mon tout vit dans les fleuves d'Amazonie. Je l'ai, mademoiselle Amélie. Oui, je vous ai vu, Henri. Vous êtes vachement concentré. Dans Codile. Hein? Crocodile. Oui. C'était la bonne C'était réponse. C'était la bonne réponse. À 2 secondes de la fin. Les crocs, les... il y avait quoi? J'ai pas compris le truc, mais j'ai dit le premier animal qui me passait par l'esprit. Bah non, mais... En fait, mon premier se trouve dans la gueule du loup. Les crocs. Ah oui, j'ai dit des dents, moi, dans ma tête. La Et j'ai pensé à la langue aussi. Dents, les dents. Mon deuxième se trouve avant le permis. Le code. Code. Ça, je l'avais. Les Et... îles. Voilà, mon troisième est au milieu ah, de la mer. Je l'avais pas, ouais. Le codile, je l'avais, donc du coup, crocodile. Ah non, je... T'es bien joué. J'avais pas le dernier, j'avais que le milieu. Est-ce que vous êtes comme moi? Parce que moi, j'aime pas genre dire crocodile. Je trouve que c'est pas beau, je dis cocrodile. Ah non. Non. Je pense que personne ne vous suit, mademoiselle. Le croco. Voilà. Non, moi, je dis le cocro. C'est crocorib. C'est cro-mignon. Est-ce que vous êtes du genre à dire un arrêt au port? Bah non, oui, c'est un arrêt au port. Un aéroport. Non, un arrêt au port. Ah, l'aéroport se fait effectivement quand on veut prendre le bateau. Oui. Sinon, c'est à la n'aéroport. Si vous voulez prendre la voiture, c'est compliqué pour faire un aéroport. C'est à la noiture. C'est pas un avion. Eh bien sûr. L'aéroport est un avion, mais l'aéroport est un bateau. Ah, du coup, attends, Julien gagne la lumière au troisième étage. Mais Julien, merci, on vous repartez avec la lumière à tous les étages. Bravo, Julien. Merci, merci. En plus, ça tombe bien, j'habite au troisième. Eh bien, c'est avec très bien. On est très content pour vous. On viendra vous installer l'électricité. Et quant à nous, ta gueule, Henri, tu penses Mais non, je suis désolé, mais c'est parce qu'il y avait l'électricien qui voulait dire un mot. Ah, bah vas-y. Bonjour, je suis l'électricien. Bonjour, l'électricien. L'électricité pas Luigi, normalement. Chez vous, mais je préférerais l'installer chez mademoiselle. Mon dieu, il se croit plombier, je crois. Ça fait pareil, ça va. C'est... Ouais, c'est vrai. Quant à nous, Henri, on se dit à la semaine prochaine. Vous allez beaucoup me manquer, mais on peut attendre encore une semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux candidats et de nouvelles questions dans Question pour un Concon. Bien avec sûr. Deux cas. Et inscrivez-vous par Minitel au 3615 Question pour un Concon. Oui. Parce que, quand même. Oui. Oh, juste. Non, mais arrêtez d'être déconcentré, vous. Hein, ouais, oui, ça déconcentre à mort quand même. Hein. Réaliste de Renob. Bah, juste après, on tombe dans le Missouri. Dans le Missouri, mi figue, mi raisin, on mais ira résoudre l'enquête. Mais est-ce que tu entends ça, Théo? Anafri. Et c'est quoi? Indestar. Girlfriend. Actu solide, le défouloir d'Indestar, c'est ça. J'ai fait l'amour avec un ragondin. Attention, on change de musique. Actu solide, on est bien là. Machine à laver. Machine à laver. Machine à laver, yeah yeah. J'ai failli dire. Actu solide, tous les mercredis soirs, dès 21h sur Indestar. On part vraiment loin dans cette émission. On se tape des délires chelous, c'est là que On se tape des myocastors apparemment aussi, mais bon, c'est... On se tape des délires sur les machines à laver quand même. Et tu on est rendu à un point. Ah, t'arrives bien à le faire, hein. Sans te tromper, c'est bien. Au moins, elle bug pas sur ça, hein. Oui, tu bug pas sur les bugs, c'est bien. Sur les bugs. T'as blague des bugs. Je bug pas sur les bugs. Des bugs, des bugs. Actu solide sur une des soirs. Sur une des soirs. Une des soirs. Parce qu'il y a un peu d'histoire et le soir. Non, non, c'était ce soir, une des stars. Ok, ça marche aussi. Ça le fait, une des soirs. Une des soirs, ouais. Ouais, c'est ça. Ça pourrait tellement le faire. C'est vrai. Mais oui. On va lancer une nouvelle émission. Ce serait tellement plus rapide. Eh, c'est une des soirs. C'est l'une des. Non, mais on pourrait lancer une émission. Une des soirs. C'est un gars qui arrive pas à dire une des stars. Bah oui, une des stoirs pour le soir sur une des stars. Ouais, mais ouais. Y avait à l'époque du passé. J'étais pas née. T'étais comme le poisson, ouais. ça s'appelait. Ah. Ah, tu vois, elle a mis que 10 secondes. Hein. J'ai l'amélioration. Non, c'était quoi? C'était Indé Night, ça s'appelait. Donc il y avait le Indé de Indé Star et le Night de la soirée. Mon dieu, mais c'était beauf. Non, ça va, Si c'était nul à chier. Mais non, c'est pas In the night. Heureusement qu'après les jeunes ont repris la ils ont mis des mots composés de plusieurs mots. Actu et solide, ça fait actu solide. Parce qu'il y a actualité, insolite. Ouais, bon, je pense que tout le monde a compris. Je précise au cas où. Et bien sûr, si vous voulez participer avec nous ou voir nos gueules, déjà c'est sur Twitch. Ah oui, alors c'est sur Twitch, mais vous avez le lien Twitch sur le indestar.fr. Et si vous voulez nous appeler pour participer à nos jeux ou nous raconter votre vie, pas trop longtemps parce qu'on veut quand même finir un peu tôt. Voilà, raconte-moi une histoire, ça sera tout à l'heure, mais vrai ou fausse, racontez-nous votre vie. Voilà. Et ben on nous appelle au 09 70 407 306. It's my mon boulot ça. Et ouais. Alors, on fait un duo. It's my job, it's my boulot. Ce qui est marrant, c'est... it's your boulot, ouais. Les gens qui ont regardé pendant que Amel faisait son speech, ouais. S'ils ont vu ta tête, parce qu'on voyait ta tête. J'ai fait quoi? T'étais déconnecté. T'étais genre bug, vous savez, Poker Face il bouge pas. Elle a trop dit tu bug. Du coup, c'est ça. Elle s'est réactivée à un moment donné. Elle était figée. Je m'en suis pas aperçu. Ouais, bah ça c'est bien vu. Ça c'est bien vu que. Voilà, du coup, Teddy, c'est bien beau, mais bon, comme toutes les semaines, on a une enquête à résoudre. On est concentré. Tu es notre petit stagiaire aujourd'hui. Tu dois nous prouver de quoi tu es capable pour savoir si on peut te reprendre. Et une enquête est pas des moindres. C'est moi qui conduis alors. Vous allez aider la série Superstore que vous pouvez retrouver sur Netflix. Elle passe sur NRJ 12 je crois, mais je sais pas si ça passe encore. Mais bref. Oh, t'as fait un bruit de micro trop désagréable. Mais il avait. Oui. J'ai il a pété. Fait un, il a fait un pep. Bref, donc cette série. Ah, ça c'est Madeleine de. Bon, vous m'écoutez ou bien là? Cette série, ça se passe dans un grand supermarché américain de type Walmart, ce genre de truc. Et ça se passe en Amérique. En Amérique, oui. Dans un truc américain, c'est en Amérique. C'est pas loin du Portugal. C'est pas loin du Portugal, c'est ça. Traverse la mer, t'y là, je le sais par contre que c'est loin. Ouais, en bateau, pas si loin. Bref, et là-bas, donc, il y a. Alors, je sais pas, je crois qu'il y a au moins 6-7 saisons, je sais plus. Dans la 3e saison, il y a une tornade à un moment donné. Sauf que normalement, on devrait avoir l'épisode de la tornade où Amy et Jonah se rapprochent pour la première fois et s'embrassent. D'accord ? Sauf que là. Suite à cet épisode, Glenn Sturgis, qui est le manager du magasin, il a regardé la vidéosurveillance et là il s'est aperçu qu'Amy a foutu une baffe à Jonah. C'était pas du tout dans le scénario, donc il se demande bah attends, dans mon clone 9, ça devrait pas se passer comme ça. Donc va falloir savoir pourquoi Amy a foutu une baffe à Jonah et essayer de résoudre le problème pour qu'il puisse retourner l'épisode et que la série continue. Gros enjeu. Est-ce que tu es prêt? Suite à la tuerie la semaine dernière en Belgique, gros enjeu. Je peux prendre le volant? J'ai toujours rêvé de conduire une DeLorean. Allez, t'es dit, je crois pas le Tardis aujourd'hui. Non, la DeLorean de Retour vers le futur. En 2016, je rappelle. Appelez-moi McFly. Je monte dans la voiture, montez avec moi les filles. Ouais, je mets une banane dans le moteur. Allez, c'est parti. C'est vous le Duck Duck. Allez, hop, c'est reparti. On va dans le futur. Go. Ah non, dans le passé, merde. Ouais, c'est cool, hein. On s'amuse bien dans la voiture. Voilà, on est arrivé. Oui, bon, merci, Teddy. 2016. Ok, je dis plus rien. On sort de voilà, parce que. Vous avez vu tous ces arbres, ils sont penchés. Ah ouais, il y en avait encore en 2016. C'est vraiment pas beau, quoi. Enfin, ah ouais. Mais les gens non plus sont pas beaux, là. T'as vu leur gueule, en plus, ils sont tout flasques. C'est très sympa de ta part. Bon, je crois que c'est là-bas. Bah, forcément, on s'est marqué Cloud 9. Cloud. Mais on note comme ça, ou. Enfin, on entre comme ça, ou. Parce qu'en fait, c'est fermé, on va peut-être pas. On frappe, non? Bah, on est des actes solides, on fait ce qu'on veut, en fait. Ah, ok. Vous êtes les ouvriers? Non. Je suis le plombier. Non, bah non. Non. On est les actes solides. Ouais, mais je m'en fous, actes solides ou pas actes solides. Allez, des Marcus à la réserve, au moins, vous servira à quelque chose. Allez. Ok. Bon, super. Cool. En plus, t'as vu la chaleur qu'il fait aujourd'hui, quoi. C'est qui, Marcus? Bonjour. Vous êtes Marcus? Oh, oui, salut, c'est Marcus. Et salut les poulettes. Salut. Toi t'es charmante, ça te dirait une glace à la menthe. Alors il fait ça mais c'est moi qui regarde. Il n'y en a qu'une des deux qui est charmante. Bon, vous êtes qui? Vous faites quoi? On est les actus solides. Ah, les actus solides, oui, j'ai entendu parler de ça. Forcément, maintenant on est connu du monde. Je suis en train de compter ce qu'on a mis en réserve parce que j'ai pas à penser avant. Vous voulez m'aider? Ouais. Non. Si, comptez, j'adore. Ouais, vous faites quoi dans la vie sinon? Je fais des inventaires. Ah, je suis stagiaire. Toi tu fais quoi dans la vie toi? Je suis stagiaire. T'es stagiaire? Ouais, sinon je fais des inventaires. Des inventaires, très bien. Et vous? La garde d'enfants. La garde d'enfants? Et chômage. T'es au chômage. Technique. C'est un beau train de vie, ça, le chômage. Bon, bref, on va compter la trésorerie maintenant. Alors, on va commencer. On a les palettes de pâté pour chien. Alors, j'en ai 5, plus 8, plus 7, plus 12, plus 9, plus 6. Ah, on peut répéter? Bah quoi, t'entends pas? Non, bah non, avec la musique, non. Alors, j'en ai 5, plus 8, plus 7, plus 12, plus 9, plus 6. Ça fait combien tout ça? Attends une demi-heure le temps qu'on compte. Ouais, bah allez-y. J'ai pas toute la vie non plus, hein. 47. 47, c'est la bonne réponse. 47 ouais. Allez, on a le beurre de cacahuète maintenant. On a une palette de 13 plus 6 plus 8 plus 27 plus 2. Ah, moins celui qu'on a fondu. On est à 3 plus 2 plus 6. C'est quoi 3 plus 2 plus 6? C'est ce qu'on a. C'est ce qui a été fondu, faut l'enlever celui-là. On les compte pas alors. 56? Non. Donc en fait ça fait 13 plus 6 plus 8 plus 27 plus 2. Moins 3 plus 2 plus 6. Moins 11 alors. On est d'accord. Donc 56 moins 11. Plus 6. Ça fait combien? 45. 45. Ok, très bien, je note 45. 45. Oui, on a 45. Putain, j'ai l'impression d'avoir de l'écho. Bon, j'ai l'hamburger surgelé là qu'on a pas, qui n'a pas été surgelé d'ailleurs, mais c'est pas grave. Il y a tellement de conservateurs que ça se verra pas. C'est par carton. Alors j'en ai 8 x 4, 8 x 12, 8 x 4, 8 x 4, 8 x 12 et 8 x 16. Tu es perdu. Et faut faire quoi avec tout ça? Faut les multiplier, les additionner? Bah additionner, je veux la totalité, ouais. C'est ça. 8 x 4. Rien que fait... ça me bloque déjà. Il est concentré. 8 x 4. 6 x 8, 48. Ça fait 16. Ça fait 32. Ouais. Bon, allez, vite, on a pas que ça à faire. Hein. Ça fait 32 plus 8 x 12. 80 plus 12, 80 plus 18, 80 plus 16, 96. Waouh! Plus 8 x 4. 12 32 8 x 4 32 ouais. Plus 32 encore 8 x 12 96 8 x 16 300 On peut avoir une calculatrice. Allez Teddy, prouve-nous de où tu es. Allez, on n'a pas toute la vie hein. Sinon passe au calculation hein. Moi ça m'emmerde hein. 96. Non mais attendez, il est en train de calculer. 416. OK, 416, c'est validé. 416 Mais bien sûr. Alors, j'ai les glaces maintenant. Comment je kiffe ça, moi, les glaces. Voilà, même. J'ai 32 plus 24 plus 16 plus 63 plus 23. Vous pouvez répéter la question. Alors, 32 oui. Plus 24 56 plus 16 72 plus 63 plus 23. Prends des calculs faciles, quoi. T'es vraiment un enculé, hein. Pardon. 13 T'es mon crew, toi. Qu'est-ce que tu fais? Viens. 158. Ok, alors c'est pas fini parce que j'ai les échantillons de 3 palettes. Alors écoutez bien, j'ai les échantillons de 3 palettes. Si je les mets dans mes pots vides qui traînent chez moi pour les revendre, ça me donne 5 échantillons pour un pot. Sachant qu'il y a 300 échantillons par palette, ça me donne combien de pots en plus? Tu m'as perdu. 300 divisé par 5. Est-ce que vous pouvez répéter ça? 60, donc 200... Sachant que j'ai 3 palettes, hein. Ah, t'as 3 palettes, donc ouais. 300 par palette. Oui. C'est ça, donc 60 pots par palette, donc 180 par palette. Très bien, donc, c'est 180 pots. Plus... Ah, ouais, c'est la bonne réponse. Ok. J'ai fait ça toute ma vie. On va terminer par le fromage en tube. Ah, on n'a pas fini là. Ah bah non, c'est pas terminé. Le petit filo tubes. Alors, j'ai le 12 plus 17 plus 22 plus 2 plus 9 plus 35. 29, 51, 53, 61, 96. D'accord. 107. Pas du tout. Comment ça, pas du tout? Alors, 12 plus 17 plus 29. 22 plus 2 plus 9 plus 35. Ah, mais merde. 39, 49, 50. On va être obligé d'abandonner, hein. 51, 53, 11, 12, 13, 61. Dépêchez-vous, j'attends. 96. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, 97. Alors moi j'avais 86, mais c'est pas grave. On va se trouver quelque part, hein. C'est pas très grave. Bon, il y avait moins celle qui était mangée par les souris, parce qu'on est dans le Missouri. Donc 96. Bon, c'est pas grave. Ah, j'ai oublié. Alors on est sur 96, et vu que ça vient de l'Arkansas, il y a une taxe de 9,26 dessus. Ça me donne combien du coup? Oh, hein? Vous m'écoutez ou pas? Non. Non. Bah, je dis, alors là, on est à 96, d'accord? Et vu qu'il y a, Non, c'est 97, du coup. Alors, 97, d'accord? Ouais. Et vu que ça vient de l'Arkansas, il y a une taxe de 9,26 dessus. Ça me donne combien, du coup? 96 fois 9,26 divisé par 100. Ouais, je sais pas faire ça de tête. Hein. C'était pas du tout ça. En fait, ça change pas le nom. C'était pour voir si vous suiviez. Vous êtes des nuls, franchement. Oh là là. Bref, vous êtes français, remarque. On m'avait... Non, mais on m'avait dit que vous étiez intelligent. J'étais sûr qu'il fallait. En attendant, on a calculé vos trucs. Hein. Non, non, mais j'étais sûr qu'il fallait pas écouter les rumeurs de Kelly. Bah, enfin, vous êtes bien bonne, c'est déjà ça. Je lâche mon 06 si vous voulez. Hein. Non, ça va aller. Allez, salut. Passez une journée paradisiaque. Hein. Salut, Marcus. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Et on a un crew maintenant, on est une bande de potes. Hein. Ah, ouais, ouais, ouais. Cool. Okay, c'est donc, je crois donc les rumeurs de Kelly. Il doit y avoir une certaine Kelly dans ce magasin. Ah, bah, bien sûr qu'il y a une certaine Kelly, oui. Ouais, bah, je crois qu'il faut écouter les rumeurs de Kelly. D'accord. Ouais. Bravo, franchement, bien joué. J'ai eu un doute, je savais pas trop s'il y a quelque chose qui était caché en dessous. J'étais pas sûr. Hein ? C'est un Y. Bah, je peux écrire Kelly K-A-2-L-I. Aïe, oui. K-E. Mais c'est faux. Tu as le droit de le faire, mais c'est faux. Ça se dit Kelly. Kelly ? Oui, parce que quand il y a deux L, c'est Kelly. Non, c'est Kelly. Kelly. Kelly. Kelly. On est en Amérique. Kelly. Ah non, Kelly, ça fait plus Angleterre. Certes. Ouais, mais là, on est en Amérique. Et après, on a un jingle de fou qui nous attend. C'est vrai. Bah, ouais. Attends, je crois. Ah, mais si, toute une Anaïs. Celui de Anaïs. Toute une Anaïs. Et après, on a le Dico Dingo aussi. Je te rappelle que la semaine dernière, tu m'as fait un jingle de fou, donc je reviens un jingle de fou, s'il te plaît. J'ai fait quoi la semaine dernière ? Je sais plus, mais tu m'as fait. Non, c'était toute une Amélie la semaine dernière. Il y a deux semaines. Ah, c'était il y a deux semaines. Ah oui, autant pour moi, désolé. Pas grave. Ouais, je suis désolée. En attendant, on écoute Océane Avenue. Ouais. Je l'ai bien dit là. Océane. C'est Océane Avenue, mais ouais. C'est... Parce que Océane, c'est ma cousine ou la quiche Lorraine. Ah bah non, Océane, c'est. Putain, vous l'avez entendu, la quiche, ce gros la quiche Océane. Ah, elle est Lorraine, c'est vrai. Elle a roté sa race. Non, on n'a pas entendu. Ah, si, si. C'est passé par monsieur la musique, donc ouais. D'accord, tu fais plus ça. Ça fait le camionneur un peu. Moi, j'ai même pas roté encore aujourd'hui. En fait, je suis trop con, je me suis dit que ça va pas s'entendre avec la musique. Mais t'as fait ça en plein blanc. Mais oui, c'est pas ça, c'est que je suis carrément au niveau du micro. Alors forcément. C'est le blague. Mais t'es vraiment une grosse trouée là. Je suis à l'aise moi. Enfin bref, on va écouter Ocean Avenue, oui ou non, un remix d'Angel. Actu solide, le défouloir d'Indestar, c'est ça. Le mercredi soir, ah bah ouais. Ah bah oui. Je prends ma guitare. Toute une nana, toute une Anaïs, toute une nana, toute une Anaïs. Merci, c'est tout pour moi. Je suis flattée. Actu solide, tous les mercredis soirs, dès 21h sur Indestar. Et c'est ça qui est cool, c'est que ça tous les mercredis soirs sur Indestar, dans Actu solide, tu as droit à un nouveau jingle. Et en live. En exclusivité. Et là, c'est exclusive, mondial of the world. Est-ce que tu peux me mettre de la reverberation? C'est bien ça. C'est pas mal. Est-ce que ça te plaît? Ah, très bien. Est-ce j'en ai aussi. Tu peux m'enlever la musique? Je crois que j'en ai aussi. De fou. Ah non. Non, y'a que moi. C'est quoi ce fail? Nouvelle musique. Dans la vie, y'a des hauts, y'a des bas. Dans la vie, on est ici, on est là. Mais si t'es pas là, tu vas rater ça. Toute une nana, toute une Anaïs. Hey, tu me regardes? Dans la vie, y'a des hauts, y'a des bas. Dans la vie, et on est ici, on est là. Mais si t'es pas là, tu vas rater ça. Toute une nana, toute une nana, toute une nana, toute une Anaïs, toute une nana, toute une Anaïs, toute une nana, toute une Anaïs, toute une nana, toute une Anaïs. Est-ce que vous voulez encore un couplet plus rapide? Oui. Ok, dans la vie, y'a des hauts, y'a des bas. Dans la vie, on est ici, on est là. Mais si t'es pas là, tu vas rater ça. Ah, c'est toute une nana, toute une Anaïs. Merci. Bravo! Bravo! Bravo! En sachant qu'il l'a écrit en 10 secondes chrono. Est-ce que tu peux m'enlever la réverb? Je l'ai écrit pendant la musique, hein, attention. C'est du grand art. Bon, en exclusivité, c'est du grand T. C'est ton exclusivité, c'est, oui, c'est du grand T, c'est du grand Théo. C'est du grand Théo. Exactement. Bon. Ah, c'était ça, moi. Ah oui, parce que, ouais, après, c'est vrai qu'on l'a pas dit, hein, mais après le jingle, là, on enchaîne, il y a une rubrique voilà, on enchaîne, hein, qui s'appelle toute une Anaïs. Alors, du coup, je vais vous proposer. De jouer avec ton micro. C'est... Je vais vous proposer trois expressions. Pas c'est trop facile, hein, c'est facile. Normalement, pas trop connu, mais soit. Parce que la semaine dernière, je sais pas ce que j'avais, mais j'ai tout dégommé. Hein. Grave. Oui, ça va. Je peux le dire pour une fois. La narcissique est de retour. C'est vrai que pour une fois. Du coup, cette fois-ci, normalement, soit je vous propose des expressions où l'on devine la suite, ou soit on devine la signification de l'expression en elle-même. Ça me rappelle quelque chose. T'as dit une expression, je crois. Ouais. Comme un espresso. Ouais, moi je dis expression. Ah là là là là, mais elle sait quand même pas parler français, quoi. Une expression. Merci. Sauf que là, je vais vous demander trois suites. La suite, quoi. Les, oui, pour oui, toutes oui, les oui, expressions. Compris le principe du truc, quoi. Putain, j'ai une galère. Première expression. Pressé comme un citron. Oui. Ah bon? Bah oui. Bah oui. T'as allez, quoi? Qu'est-ce que tu presses d'autre déjà? Ouais, comme pressé comme une orange à la limite. Comme un mamelon. Un pamplemousse. Ah ouais. Tu presses des mamelons souvent? Bah c'est-à-dire que pour le lait des gamins. Mais tu le presses pas, tu le suces. T'appuies, tu... Ah mais... ça dépend si tu veux en faire du lait de supermarché. Passons à la suite. Non, y a pas de maman qu'on met dans des mamelles là, tu et on presse pas ça, et hop, ça fait du lait de supermarché. Oui, mais pour les vaches. Ah, mais... ah merde, bah, c'est attends, pour ça. Je la connaissais pas forcément. Quoi? Bah aussi, pressé comme un citron. Je l'ai peut-être déjà entendu, mais elle me dit rien. Tu connais. Vous savez la signification? Bah oui. Bah oui. Genre, on est dans une situation, d'accord? Il y a trop de pression. Il y a trop de pression, on est pressé comme un citron. Pas du tout. Monsieur. C'est exploiter quelqu'un. Et ben. Bah oui, pour trop de pression. Bah tu oui. lui mets la pression. Non, mais c'est. Tu l'as pressé comme bah un citron. Oui. Non, tu utilises tout son jus. Mais non, mais pas exploiter quelqu'un, lui mettre la pression, c'est l'exploiter. Bah si, si, si, quand non, on. Quand, ouais, quand on est quand on exploite, enfin je veux dire quand on a la pression au travail par exemple, on dit ah oh, on est pressé comme un va je suis pressé comme un travail un... plus pas exploiter. Ah si, bah, c'est l'exploitation. Mais là c'est exploiter quelqu'un dans le sens où tu vas user tous ses ouais, tout son jus. Non mais si, si toute si, son énergie vitale. Il y a un rapport. Il ouais, hein. Y a un rapport. Ouais. Elle a du mal, elle a du mal, c'est non, pas. Non, je vois pas le rapport moi. Bah, tu attends, t'es en entreprise, d'accord? Ton patron il dit ouais, bon faut que tu fasses ça avant, faut que tu travailles, faut que tu passes 15 heures de travail en 7 heures, tu vois. T'es pressé comme un citron. Trop de pression, t'es exploité quoi. Okay. Ouais. Tu m'apprends mes expressions. Bah oui, je sais. J'en suis désolé. Bon, la deuxième du coup. Décrocher le. La lune. La lune. Ah non, maintenant c'est le. Le tire-bouchon. Le... Non. Quoi, quoi ah, tu décroches le tire-bouchon. Non. Non. Décrocher le torchon. À quel moment tu décroches un tire-bouchon? Non. Décrocher le poisson. Non. Le soleil. Non. Putain, mais du coup j'ai eu un douche. Du coup vous avez trouvé pressé comme un citron, je me suis dit. Ouais. Parce que c'est trop facile. Décrocher le morpion. Décrocher le tic. Je sais pas ça. Décrocher le. Un indice? Non, ça marche pas. Alors, c'est un palmier, mais précisément, c'est une plante monocotylédone. Décrocher le rosier. C'est... Genre, le rosier, c'est un palmier quoi. Putain, on est censé le connaître celui-là? Le yucca. C'est une plante? Non, elle a inventé. Non, non, j'en ai une chez moi, j'ai un yucca. Ah merde. Autant pour moi. Décrocher le bonsaï? Mais non, c'est pas un palmier. Non. Deuxième indice? Ouais. Ah, le cocotier. Oui. Décrocher le cocotier. C'est pas secouer le cocotier normalement? Ouais, non, normalement c'est secouer le cocotier. Non, c'était décrocher. Bon bah on décroche. D'accord. Après ça, vous avez foutu un doute, si ça se trompe, je me suis trompé entre deux lignes. C'est possible. Entre décrocher la lune et secouer le cocotier? Tu cherches un mail? Je sais pas ce que c'est un décrocher le cocotier. Ça veut dire quoi décrocher le cocotier? D'ailleurs ça se décroche pas. Attends, on a une bonne 4G sur Amboise. Ah. Ouais. Obtenir un objet convoité, parvenir à ses fins, triompher, ouais, remporter. D'accord, un ben on connaissait pas. Voilà. Bah du coup, j'ai eu un doute, vous avez fait douter de moi. Ah, c'est ouais, vrai. Ouais. Et tu as décroché le cocotier aussi. Exactement. Troisième. Ça veut dire décrocher, gagner le cocotier. C'est une bonne expression. Faire réussir quelque chose et ironiquement, une sottise. C'est le pompon sur la Garonne. C'est le pompon sur la Garonne. La cerise sur le gâteau. Hein. Oui. Défendre son prêt, PRE, action 6. Attends, tu peux refaire le début? Défendre son prêt, fleuri. Ouais. Non, prêt, PRE, accent aigu. Ouais. Ahem. Prépuce. Ah, faut qu'on trouve le prêt, après ce qui est prêt. Ouais. Décrocher son prêt, avis. Avis. Non. Liminaire. Non. Prêt. Fabriqué. J'ai dit quoi? Défendre son prêt, j'ai dit ça. Oui, ça c'est ce qu'on fait en ce moment. Prêt. Facture. Son prêt. Facture. Défendre son prêt. Prêt. Fait. Prépuce, on l'a dit ça aussi. Oui. J'ai dit. Son prêt. Poussé. Prairie. Non. Son prêt. Vous y êtes pas du tout. Président. Ça défendre son président, c'est bien ça. Non. Défendre son prêt. C'est en deux mots. Prêt. Non, un seul. Préposition. Ah. C'est pas prêt. Défendre. Enfin, c'est prêt, mais c'est un mot qui a aucun rapport après derrière. Ah, son prêt. Il y a un tiré après. Ah non. Oui, non, non, mais non. Oui, son prêt. Son prêt. Son prêt grenouille. Son prêt mal tondu, quoi. Son prêt mal tondu. Non, c'est pas ça. Ah, Oui, d'accord. Ah, y a pas qu'un seul mot. Non, mais elle me regarde, je me suis dit, putain, ça se trouve, c'est ça. Donne un indice. Premier indice. Oui. Ouais. C'est une forme géométrique. Son prêt carré. Son prêt carré. Son prêt triangle. Son prêt carré. C'est en gros défendre son domaine, son territoire. D'accord. Je défends mon pré-carré en ce moment. C'est pas je défends mon domaine. Bah aussi, mais ouais, mais ça fait plus classe. Je défends mon pré carré. Et s'il est pas carré, ça... Ah bah non, ça, c'est forcément ça. On s'en fout. Ok. Si c'était de la merde. Non, c'était bien. Non, le losange que j'ai dit. Ah oui. Le reste, ça va. Sympa pour la marque de losange. On va essayer de faire mieux que Dico Dingo. Mais tu peux arrêter de te surestimer de ouf parce que bon, t'es pas archi bonne non plus. Allez, je lance, tu me saoules. Ça dépend. Dico Dingo, c'est le Dico Dingo. Le Dico Dingo, le Dico. Non, c'est de la merde. Hein, ça... Allez. Fini les jingles. Allons-y. Je vais faire un truc bien. Du coup, c'est le Dico Dingo. Le Dico Dingo. Ouf, ouf. Le Dico Dingo. Le Dico Dingo. Ouf, ouf. Le Dico Dingo. Le chat énervé. Chat énervé. Ouf, ouf. Si vous venez de débarquer sur Indestar, mais qu'est-ce que c'est que cette équipe de cons? Et vous avez raison. Tu fais partie de l'équipe, hein. Ah, mais j'ai pas dit le contraire. J'ai mis le premier. Je m'inclus. Ah. C'est de l'inclusion. D'ailleurs, il s'est fait bouffer par un par un chat qui fait 500 grammes. Je me suis fait bouffer par un chien, en vrai. Oui, par le chien aux parents de Teddy. Oui. Non, c'est le chien de ma soeur. Hein. C'est un bout de machin, oh, ça fait même pas un kilo. C'est un petit bout de truc qui m'a bouffé la jambe. C'est un Doberman miniature. Tu nous l'avais dit. Ouais. Je vous avais montré la blessure de guerre. Ouais. C'est un chat, le bordel. Même un chat, c'est plus gros. Ouais, c'est vrai que c'est petit. Hein. Petit c'est, ça fait vraiment un kilo, le bordel. Petit mais hargneux, ouais. C'est trop. C'est les plus petits. Hein. Il l'a attaqué par derrière. Ouais, souvent, c'est les plus petits, les hargneux. Ouais. Tout à fait. Merci, tu veux répéter après moi, c'est ok. Et sinon, les petits sont souvent... Teigneux. Petits. Hargneux. Merci. Pas grand. Et en plus, hargneux. Le Dico Dingo. Ouais. Je vous donne un mot à vous de deviner. Simple, efficace, clair. Pas cher. De deviner quoi? C'est la maf que je préfère. C'est la maf. Non, la baffe. La baffe, c'est la baffe. Ah ouais, pas mal. Oh, pas attention, ça, premier mot. Raban. Raban. Ah, c'est quelque chose qui est énervant. R genre qu'on a marre. B-A-N. Non. Ça pourrait, hein. C'est un rabbin qu'on a marre, donc il est raban. C'est ras-le-bol, quoi. Ouais, c'est raban, raban. Non. Est-ce que c'est un outil? Non. C'est un banc pour s'asseoir. Ça peut être un outil. Tu vois, un banc, paf, c'est un outil. Un marteau, c'est un rapport avec. Ça peut être un outil, c'est plus un accessoire. Oui, accessoire. Un accessoire de quoi? D'outil. Un accessoire. De plutôt cuisine. Ça peut servir pour la pêche. Ah, bien sûr, le raban que t'as au bout. Évidemment, c'est le plomb. Non, mais ça peut servir pour la pêche, mais pas forcément que. C'est le siège? Non. C'est un banc, bah j'ai un banc. Ah, c'est un mot. Valise. C'est un mot qui fait pour désigner machin que les marines disent. Hein un nœud Un nœud. Et un fil Une corde ça c'est ça. Une corde. C'est une petite corde qui sert à plusieurs choses. Parce que toi pour pêcher. Ah oui, si, la grosse pêche. Ouais, c'est, genre... ah ouais, c'est la pêche indus. Les filets, ouais. Ouais. Non, mais j'imagine le mec plaf avec la grosse corde. Genre... Non, les filets. Ouais, les filets. Ouais, ouais d'accord. Okay. J'ai trouvé. Bravo. Ça, merci. Elle m'a dit bravo. T'as rien gagné. Deuxième mot, saquetier. Oh, c'est un gars qui fait les sacs. C'est un métier, hein. S-A-C-Q-U-E-T-I-E-R. Ouais. C'est essayer des toboggans aquatiques. Non. Essayer des sacs. Non, mais c'est un vrai métier. Ouais. Mais ils disent maître nageur. Construire des caisses à savon. Non. Non. Pourquoi ça peut être un métier avec des responsabilités. Oui, ah bah. Beaucoup de métiers ont des responsabilités. Tu crées des sacs pour coûter. T'es garant de la bonne tenue des sacs, hein, non, dans le temps. C'est pas forcément un métier. Quoi? Bah ouais, mais. C'est un métier ou c'est pas un métier? Ça peut être un métier, mais c'est pas forcément un loisir. C'est quand tu sacs les personnes. T'es un sacqueur professionnel. Chez Indestar, on en a une. Quoi? C'est quand tu gardes les enfants. Non. Mais c'est quand tu travailles à l'armée. Indestar, on n'est pas garde d'enfants, frère. C'est quand t'es au chômage? Moi, si, j'en fais un peu. On n'est pas tous au chômage. C'est quand on travaille dans un magasin, qu'on fait de la mise en rayon. On l'est lu pendant une réunion extra amicale. Hyper chiante. L'Assemblée générale. Ah, président. Ah, c'est la secrétaire qui écrit. Non. C'est la trésorière. Oui, c'est ça, c'est la trésorière. Ah, trésorière, ok. Ouais. Très bien. Linda, d'ailleurs, je crois. Linda n'est pas la trésorière, c'est Meghan. Non, c'est Meghan. Pardon. Ouais. On aurait pu chercher l'autre. Linda est la secrétaire. Oui. Attention, troisième mot, xylin. C'est quelque chose qui... C'est un petit animal de type gecko. X-Y-L-I-N. C'est quelque chose qui est isolé. Non, je pense que c'est un petit animal de type gecko. C'est un instrument de musique. Non. On se marche tous sur les pieds, c'est horrible. Je ne peux pas tout écouter. C'est un petit animal. On lève la main. On a dit non avec ton animal, la con. Est-ce que c'est un loisir ou un accessoire ou un outil? Ça peut être une matière première. Ouais. Oh, bah, tiens, c'est c'est pas loin que le PVC. C'est de l'or. C'est genre de la terre. Non. C'est du PVC. C'est de l'or. Non. C'est du plomb. C'est de l'or. Du fer. Non. C'est de l'or. C'est pas un minéraux. C'est du vinyle. C'est du fer. Je t'ai dit ça. On peut. Oui. On peut. 20 fois. On peut s'en servir pour créer des meubles. Ah, du bois! C'est du bois! Ouais, c'est ça. Ah, mais je l'ai dit avant toi, par contre. Ouais. On n'est pas censé être tous ensemble. C'est oui, on est tous ensemble. C'est tout ce qui est en rapport avec le bois en fait. Ok. Et c'est horrible, l'oxydant. Ouais. Et genre, ouais, j'utilise du xylan, c'est la famille des bois quoi. Ouais, c'est du okay. bois. C'est nul. Mmh. Et ta mère toi. On aurait dit la famille des bois. Et les cerfs, ils ont des xylans sur la tête. Ouais. Quoi. C'est ça. Ouais. Ok. Soit tout. On attendait une réponse là. Non mais je suis dubitatif. Et elle me regarde dubitativement aussi, toi. Mais écoute, j'ai marqué petit mot original français et il m'a dit xylan, il m'a dit par rapport en bois. D'accord. Sûr. Donc voilà, moi j'y peux rien, moi je suis les définitions. C'est Internet. Et toi tu suis bêtement ce qu'Internet te dit. C'est un mouton. Et alors, c'est un mouton. T'étais pas pareil, toi, trou du cul là. Bah non, moi non. Il avait pas Internet. Bah sur le Minitel, c'était quand même vachement plus fiable. Il vient de connaître ce que c'est en fait Internet, c'est pour ça. Eh pas oui, que voulez-vous. Reprise de Coldplay et reprise de BTS, c'est quoi? My Own c'est Ah mais non, on n'avait pas changé de musique, nous. Bah non. Bah non, c'était après, pardon. Trop pas. C'est dans la fin. Elle nous écoute pas. Oui, tu nous écoutes pas. My Universe, un cover de Coldplay. Yes. Juste après, on joue avec de Lolo. On joue avec de Lolo. Oui. Moi, ah non, de Lolo. Ah mince, dommage. Moi, je veux bien. Il va falloir vous connecter sur Twitch. Ouais. Pour voir les Lolo. Il est... Ah putain, tu me fais mal au bras à faire ça. Arrête, s'il te plaît. J'ai rien fait, moi. Non, mais à poser ton bras comme ça... Mais j'ai pas le droit de poser mon bras sur la table. C'est quoi, cette histoire? Non, parce que j'ai l'impression que c'est moi qui pose mon bras et vraiment, ça m'a fait une douleur atroce. T'as, genre, on est si à moi, quoi. C'est quoi, le délire? C'était pas censé être nous deux. T'es plus jumeau que... C'est pas censé être nous deux. Eh non, c'est fini, toi. Une douleur atroce dans le bras. Et moi, si je fais ça, hein. Non, non, toi, c'est fini. Toi, non, ça fait rien, tu vois. C'est l'autre bras, en plus. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Plus aucune connectivité. Faut qu'on se prépare aussi, parce qu'on a rien préparé. On est des branle-bites. C'est toi, moi, j'ai tout préparé. C'est toi qui branle-bite, pas moi. Moi, je prépare, mais regarde, mon jingle, t'es prêt ou t'es pas prêt? Ouais, mais ton conducteur il est pourra, mon frère. Nous devons mon trou. Bon, les gars, est-ce qu'on peut lancer la musique? Oui, allez, c'est parti, on est bien sur Indestar. C'est toi qui as les boutons. Allez, connasse. Actu solide sur Indestar, parce que vous le valez bien. Et même si vous le valez pas, on vous l'offre quand même. Alors, sur Indestar, c'est un moment important parce que c'est un moment violent. Ah, je m'attendais à une. On la met à fin de la Yellow Music? Ah, tu veux mettre de la Yellow Music? Non, elle est pas après, elle est après, je crois. C'est après qu'on mettra la Yellow Music. Désolé, je sais pas encore lire un truc. Oui, voilà, c'est ça. Vous l'avez compris, Actu Solide sur Indestar, c'est ce soir jusqu'à 23h à peu près. Un peu plus. Ouais. On se laisse un peu de marge. On se laisse un peu de marge. Et ce soir, maintenant, il se passe quoi, Théo? Eh bien, je crois que c'est l'heure du défi. Voilà. Mais quel défi est-ce donc que l'on va faire? Alors, faut me suivre. Déjà, vous pouvez nous regarder sur Twitch. Ouais, comment on fait? Bah, vous appuyez sur indestar.fr, vous avez un petit logo violet. C'est ça. Ça m'a perturbé. Cliquez sur Twitch. Vous arrêtez de parler, vous, derrière, hein? Oui, déjà, on fait votre travail, on se concentre, tu vois là. J'ai fait le tien, moi. Alors, attention, suivez bien. Mm-hmm. Parce que, en fait, notre... Il est un peu violent ce soir, notre défi. J'aime la violence, BDSM. Et je crois qu'il y a de la baffe en considération. Donc, si vous allez sur Twitch... C'est la baffe qu'on préfère. Vous allez pouvoir nous voir. Voilà, c'est ça. Vous nous voyez. C'est bien. Montre la vue, voilà, la vue du studio, l'open space. On n'a qu'une pauvre chaise. Alors, il y a une chaise qui traîne, mais il va pas tarder à y avoir un Teddy. Ça y est, il y a vous un voyez Teddy qui se croit à la plage, un ouais. Tongue, petit short. Non, mais il a raison de se croire à la plage. Alors, en fait, le défi consiste, je demande à Teddy et Anaïs d'être face à face. Ok, alors debout. Mettons Anaïs et Teddy face à face. Et le but, en fait, ça va être de se faire un Shifumi. Tu sais, le pierre-feuille-ciseau en français. Et lui qui perd le pierre-feuille-ciseau se reçoit une baffe. Alors, lui qui perd, ça se dit pas, mais j'ai compris l'idée. Ça se dit celui pas. Celui qui perd le Shifumi se met une baffe, d'accord? Non, se fout une baffe, se prend une baffe. Se prend une baffe. Par lui qui a gagné. Ok. Et si vous riez à la baffe, vous prenez du jet d'eau. C'est moi qui distribue le jet d'eau. Donc, en fait, si vous avez compris, c'est pas forcément le fait de perdre au Shifumi qui va vous faire perdre. Ça va être le fait d'avoir rigolé. Vous avez compris? On est bien dans le cadre. Vous êtes bien cadré, les gars. Vous êtes cadré. Donc forcément. Non. Et ensuite, on switch. Switchons. Allez, allons-y. Est-ce que on switch je peux aussi vous... en Est-ce direct vous... live. Est-ce que je peux vous rejoindre? Non. Viens. Allez, merci. Viens parce qu'on est gentil. Allez, attention, pierre, feuille, ciseau. Qu'est-ce que tu fais avec ton truc, là? Pierre, feuille, ciseau. Allez. 1, 2, 3. Ah, c'est la même chose. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Ah bah oui, t'es dit, tu dois foutre une baffe à Anaïs. Allez, c'est parti. Attends, je vais écouter. Attends, on peut mettre le micro proche. Ouais. Vas-y. Ah, c'était gentil. Elle a rigolé. Ah. Bah oui, fallait parier. Merci, j'avais chaud. Perdante, voilà. Est-ce que du coup, je prends sa place? Oui, tu peux prendre sa place. Par contre, j'avoue que la récompense est plutôt sympa parce qu'on a un brumisateur Ce qui est plutôt... vu la chaleur qu'il fait ce soir, c'est plutôt cool. Alors maintenant... Bah oui, mais t'oublies rapidement, tu m'écoutes pas. Non, pas avant. T'as pas droit. Ah bon, il va falloir que tu perdes au pied, feuille, ciseaux. Allez, attention, on y va. Pierre, feuille, ciseaux. On refait. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Tu coupes. Mais elle avait envie de se prendre du mobilisateur. Il aurait fallu faire la chose à l'inverse, c'est-à-dire foutre la baffe après l'eau, qui est pire. Vous avez le droit de vous affronter. Allez, les deux perdants s'affrontent. Amélie, tu restes en place. T'as le droit de te nettoyer les lunettes, si tu vois. Non, bon, personne ne voit, c'est bien. C'est la buée complète. Attention, Teddy, t'es devant l'objectif. Analyse contre Amélie, pierre, feuille, ciseaux. Attention, 3, 2, 1. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Oh, oh là là là là là là. si, t'as rigolé. T'as rigolé largement. Ah, je suis pas passé à la moulinette. Allons-y. Allez, vas-y. En off, tu vas prendre cher. Bah moi je vois plus rien là, je vais les enlever direct. Okay. Est-ce que vous êtes prêts? Tu perds. Tu perds. La pierre gagne. 1, 2, 3, pierre, feuille, d'accord. Ah, il a rigolé! Il a rigolé! Voilà. Quoi? Mais moi elle était plus grosse, c'est une blague! Ça me chauffe encore la joue! Non mais c'était bien comme ça! Bon bah la fin du défi, c'était. Et vraiment on a envie de se faire du mal hein! Non, il l'a pas fait avec Anaïs! Bah non, je l'ai pas fait avec Anaïs, c'est normal! Bah non, on l'a pas fait! Bah non, on l'a pas fait, mais je l'ai pas fait avec Teddy non plus! Si on passe tous dans 10 ans, on y est encore! Et dans 10 ans, je m'en irai! On va écouter de la musique maintenant sur Indestar, c'est génial! Ni Natal, c'est encore plus génial! Actu solide, le défouloir d'Indestar, c'est ça. Ouais, bien ou bien. Bien. Et on est carrément ce soir. RPZ représente Actu solide. Ici, on est là. Le rap, ça me connaît. À côté, Big Flo et Oli. C'est pas une se coucher. Actu solide, tous les mercredis soirs, dès 21h sur Indestar. C'est nous. C'est vous. Ah non, c'est nous. Ça y est, ça va mieux. Ça y est, je me suis pris un coup de brumisateur dans la gueule. Ça va mieux. Ah bah c'est... après un défi rafraîchissant, mais un peu douloureux. Je me suis pris une baffe. J'avoue, je me suis lâché un peu sur les baffes. C'est vrai que tu t'es lâché sur les baffes. C'est mon côté mais un vrai... peu sauvage. Chauvage. Chauvage. Ouais, chauvage. Ouais. Chauvage. Ouais, ouais. Ce soir. Oui. Vous l'avez compris, ce n'est pas raconte-moi une histoire, ça va être recto verso. Oui, parce que à mon avis, nos fidèles nous ont dit, ils se sont dit se dire, mais bah bien sûr, ils se sont dit, on n'est pas déjà à 23h. Tu te crois pour qui? Tu te prends pour qui, quoi? Oui, tu te crois pour qui? Et puis on n'a pas résolu cette enquête encore. Mes lunettes sont dégueulasses. Ah, encore. Moi aussi, je vois que dalle, ça me saoule. Bah oui, c'est normal, bref. C'est la brume. La, mais avec la brume, oh, c'est de l'huile qui met dedans, putain, on dirait qu'il a touché mon front, le bordel. Bah, il est normal. Bon, alors, oui, l'histoire, c'est que vous allez chez Cloud9, c'est le magasin de Superstore, et bah, y a un problème parce que en fait normalement dans la scène de la tornade Amy et Jonah ils s'embrassent alors que là ils se sont foutus une baffe, c'est comme le défi avec ouais. C'est comme nous ouais. Voilà. Bah, sauf que eux ça pose baffe. Vraiment un problème parce que pour la suite de la série si tu veux s'ils commencent à s'engueuler comme ça ils seront jamais ensemble. Donc Glenn qui est le manager un peu bouffon du magasin nous a appelé, il était complètement paniqué parce qu'il se dit comment on va faire la suite, donc il va falloir trouver quelle est la source du conflit entre Jonah et Amy. Vous avez un premier indice je crois. Oui, c'est les rumeurs de Kelly. Les rumeurs de Kelly. Donc, peut-être que Kelly... C'est les types feuilletons que je regarde, tu sais, sur la... C'est beaucoup mieux. Kelly est donc apparemment impliquée dans l'histoire. Mais je pense qu'il va falloir aller chercher un petit peu plus loin pour savoir oui, ce qu'il aussi. En est. Donc vous retournez en Amérique, vous retournez dans le Missouri, oui. Du côté de Saint-Louis, dans la série Superstore. Et on est en 2016, les amis, c'est parti. Yes, c'est parti. Putain, Nini, les poulettes, il était grave relou en vrai ce Marcus. Hein. Bah... Moi perso je trouve pas, en plus bah j'ai eu son numéro. Bah forcément la meuf c'est un chien, c'est une crevarde, tout ce que tu veux, elle, tout ce qui a une queue ça bouge hein, elle y va hein. Oui ouais, on est con, t'es d'accord avec moi d'ailleurs Teddy? Oui ouais, ouais, ouais. Abuse pas. Mais vas-y là on longe les murs là pour pas croiser Dina, tu sais elle est chelou en plus. Bonjour, bonjour. Ah merde. Excusez-moi, T'as raté, hein. Je suis l'aide ouvrier ici pour refaire le magasin. Et le chef, il m'a demandé de réinstaller les pancartes de caisse au plafond, mais je suis trop petit pour le faire. Vous voulez m'aider ? C'est vrai que nous, on fait 1m74. Ouais. C'est vrai, mais si on empile les stagiaires, ça passe. Oh bah oui, vous pouvez vous empiler, très bien. J'adore m'empiler. Par contre, on n'a qu'une minute parce que sinon je vais me faire virer. Oula. Et on n'a pas le droit d'utiliser le mobilier parce qu'il est tout neuf, ni l'escabeau parce que c'est le sien au patron. Il a juste dit avec nos corps, le chef. Ah. Hein, vous êtes prêts? Alors, mais vous êtes au courant qu'on fait pas 40 kilos tout mouillé quand même? Non, mais c'est pas très grave. Je pense que vous êtes très fort en sport parce qu'on m'a dit que vous étiez les actus solides et que vous étiez imbattables. Ouais. Par contre, je signale quelque chose, c'est que si vous voulez voir le magasin qui a été refait en vidéo, eh ben c'est possible d'aller sur Twitch et vous pouvez le voir en direct live. Oui, bien sûr, pour nous voir bien galérer à scotcher vos trucs. Voilà, donc le magasin, il est beau, c'est le nouveau Club 9. Nananer. Alors attention, on va pouvoir y aller. Est-ce que vous êtes tous prêts? Bah non. Allez, venez avec moi. Regardez le nouveau Cloud 9 comme il est joli. Et alors, la nouvelle pancarte qu'il faut installer, c'est celle-là. C'est la pancarte de la caisse. Il faut l'accrocher au plafond tout là-haut. Okay. Et ben vous faites ça, je sais pas, en grimpant les uns sur les autres. Je peux vous aider hein, si vous voulez. Je suis pas du tout Béatrice. Mais c'est qui alors? Mais pas du tout. Mais non, mais moi c'est Serge, je suis l'ouvrier, l'aide ouvrier. Bah oui, ça se voit pas. J'enlève mes chaussures, attention, on n'a plus qu'une minute pour le faire. Hein. D'accord. Attention, je pose le micro, quelqu'un tient le micro? Je te le tiens. C'est parti, une minute. Serge, commence à monter sur Teddy. Attends, vas-y, tiens. Mais il a très peur. Allez, vas-y, monte. Amélie, essaye d'aider Serge à monter sur Teddy pour pouvoir accrocher la pancarte en hauteur. Mais j'ai peur. Mais vous me faites peur, là. Hein. Ils sont juste à deux doigts de tomber, mais ça va. Mais en tout cas, c'est bon, ils touchent le plafond. Monte le sketch. Attention, on est presque au bout d'une minute. Hein. Ah merde! Là, je te le rends. Mais ouais, mais c'est Amélie qui a le scotch. Oh putain. Deux secondes. Vas-y. Serge essaye de l'accrocher au plafond. Il lui reste que quelques secondes. Et c'est mission réussie. C'est bon, c'est réussi, ça a accroché. Attention, ah t'as un bout de... On s'en fout de la tangue. Attention. Et nous n'avons pas eu de mort. Ça va. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Vous venez de sauver mon emploi. Et ma copine qui est dans le coma depuis la tornade, elle s'est pris une boîte aux lettres dans la tête, sans argent pour payer l'hôpital qui veut la débrancher la semaine prochaine. Donc le fait de m'avoir aidé, ça va me sauver tout ça. Et j'en ai parlé au personnel pour qu'il se cotise. Alors je sais que Jonah a été voir Glenn tout à l'heure, mais je sais pas ce que ça va donner. Ah d'accord. Ah oui, oui. Donc oui, ça devient une histoire de un peu de trouble. Hein. C'est un peu mélangé tout ça. Du coup, c'était quoi Anaïs, si t'as bien entendu? C'était Jonah a été voir Glenn. Jonah a été voir Glenn. Bon, tu passes avec ton gros cul, hein. Jonah a été voir Glenn. Donc ça c'est le deuxième indice. Je vous rappelle qu'on a le premier indice qui est Rumeur de Kelly. Color Music, Courage to Change, un cover de Sia, et j'ai un accent franchement incroyable quand même. Ça c'est toi qui le dis, parce que nous on trouve pas. Hein. Et bien sûr, sur Indestar, juste après, raconte-moi une histoire crédible, chacun doit dire si c'est vrai ou si c'est faux. Actu solide sur Indestar, parce que vous le valez bien. Et même si vous le valez pas, on vous l'offre quand même. Et ouais, c'est comme ça. Bah, bon, parce qu'on est généreux sur Indestar. Ouf. Non, c'est pas ça. On offre des magnifiques cadeaux pour question pour un con quand même. C'est vrai, et pas que d'ailleurs, on vous offre des magnifiques cadeaux sur Indestar en règle générale. Et on, notamment, enfin tu disais, on offre cette émission, mais on l'offre en direct, mais en plus on l'offre en podcast. C'est-à-dire que si vous avez loupé le début de l'émission, vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes internet. Vous pouvez même écouter le truc 50 000 fois, marchera toujours. Ouais. Je crois qu'au bout de la 51e mille fois, il faut aller voir un psy par contre. Faut se poser des questions. Ouais, vous pouvez écouter, mais quand même aller voir un psy après. Ouais. Voilà, vous pouvez écouter au pire 18 fois quoi. 18, c'est pas mal déjà, ouais. Ça fait donc 10, c'est simple, indestar.fr, vous cliquez sur Actu Solide, mais il y a autre chose, il n'y a deux pas que Actu Solide, il hein, y a Starter, Peck Avenger. Ouais, et plus les émissions spéciales, plus. Ouais, il y a tout un tas de choses. Et puis si vous voulez réécouter depuis le début de toutes les saisons, alors. Putain, vous n'êtes pas arrivé à l'autre. Il y a de quoi gars. Vous faire plaisir, il y a 13 saisons à réécouter en podcast. Tout de suite. Ouais. Moment calme. Ah, moment serein, moment. Moment calme, minou. C'est normalement le moment où tu sais, tu te couches parce que t'es un petit. Une petite enfant comme ça. Et tu te couches, le petit enfant. Eh ben nous, on se couche pas, on va jouer à Raconte-moi une histoire. Voilà, normalement, alors bébé, tu te couches. Vas-y, couche-toi. Je vais te border. Ah bah alors, je suis pas une enfant calme. Je vais te border. Papa, il va te border. Il me fait peur. Si tu m'étonnes. Mais avant de te border, je te lis une histoire pour t'endormir. Ouais. Voilà. Anaïs, est-ce que... Mais ta voix, elle est pourrie. Est-ce que tata Anaïs veut commencer à lire une histoire ah à la petite? Ah non, mais elle, j'ai pire, elle. L'impression de faire une sorcière, ça me fait peur. Ta gueule, je t'ai donné un somnifère. Mon histoire s'est passée en France. Elle a trois phrases, son histoire, frère. Une femme a été verbalisée. Ça veut dire que... Pour avoir abandonné... Bah, qu'elle a eu une amende. Jolan sort de ce corps. Pour avoir abandonné des détritus sur la voie publique. C'est quoi, des détritus? Bah, je t'explique. En effet, une femme a jeté son matelas depuis le deuxième étage d'un immeuble. Ah oui, quand même, c'est un bout de détritus. Parce que tout simplement, elle avait la flemme d'aller mettre, de l'emmener tout simplement à la déchetterie parce que perte de temps, etc. En vrai, j'aurais fait pareil, je crois. Oh non. Ah ouais, tu l'as jeté du deuxième étage. Attention, largage de matelas. Tu te pour déménager, c'est bien plus simple. Bah ouais, c'est clair. Oui, mais je suis pas sûr que tu récupères le matelas en très bon état. Sauf que le problème, c'est qu'elle pensait avoir ne pas avoir été vue, ni vue ni connue, hein, bien comme sûr. Dit l'expression. Sauf que si. Elle a été prise sur une caméra de surveillance. Ah. Elle a dégommé la caméra. D'où le fait que les policiers, etc., ont été très pas contents. Surpris. Surpris de voir ceci. Une chute de et matelas. Pas contents. Bah disons qu'ils ne s'y attendaient point. Mais elle pouvait faire du style. T'arrêtes de taper du pied. Ça me gratte sous le pied, tu sais, là, quand t'as ta chaussure et que t'as sous le pied là. Bah, oh mon dieu. Enlève ta chaussure. Elle me déprime. On est au moment calme de cette émission et toi t'es là à t'exciter avec ta chaussure. Arrête. Est-ce que mon histoire est vraie? Mais non, c'est faux. Est-ce qu'elle est vraie? C'est vrai, frère. C'est tellement nul que c'est vrai. Mais c'est en plus, elle a même pas cherché, elle a regardé juste fait divers. C'est faux. Elle l'a inventé, elle s'est pas fait chier à l'inventer. Mais non, c'est vrai. Et bah non, c'est faux. Allez, vra. Mais oui, mais c'est vrai que c'est faux. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, tu vois, t'as ta gueule. Allez, mais c'est vrai, c'est vrai. T'as faux joie là. C'était trop complexe pour qu'elle puisse l'inventer. Ah, abuse pas, j'en ai fait des biens. Et moi, pourquoi je passe toujours en dernier, moi? Parce que t'es un gros con. Vas-y là. Putain, c'est ça, y'a pas de limite hein. Et moi j'ai pas d'histoire. Est-ce que je peux la faire en mode bébé? Vas-y, oui. Ça va être chiant, mais oui, vas-y. C'est vrai, ça va être chiant. On fait appel à Mini Mélie. Allez, Mini Mélie, allez. Alors, comme nous le savez, mon grand frère, il passe le bac. Il passe le bac, oui. Il passe le bac. Oui, il passe le bac. Ouais. Baccalauréat. Oui, ça va bien. Ça le dit comme ça, du coup. Non, il passe la bac. Et donc, je vais vous raconter l'histoire du meilleur tricheur de qualité. De qualité. C'est bien, c'est un tricheur de qualité. Oui, c'est le meilleur tricheur de qualité. C'est le meilleur tricheur, quoi. Oui, de qualité. Oui, de qualité. T'as l'impression que c'est une vie de qualité. Attention à ne pas reproduire. Non. Parce que c'est passible d'une amende et d'une peine de prison. Ou alors tu le fais, mais tu te fais pas choper. Quoi. Attends, de prison parce que tu passes ton bac? Non, j'en sais rien. Non, mais par contre, si on te surprend en train de tricher, je crois que c'est 5 ans sur passer le bac. En 2016 ouais, mais tu te fais pas... Aucun examen. En même 2016 pas que... ouais, oui, t'as 2016. Vu, sans vouloir, j'ai pris aussi 2016. Oui, comme en... l'enquête. En 2016, au mois de mai, il y a 3 Thaïlandais. Ouais. Ils avaient rien dans le 6 boulots. Ouais. C'est alors, vrai. Ils avaient la flemme de travailler. C'est vrai. Alors, ils se sont dit... J'ai de l'argent. Beaucoup d'argent. Mmh. Money, money, money. C'est vraiment très loin. Et du coup, ils ont dépensé 20 000 euros en tout, ouais, pour les trois, pour acheter un kit de triche. Hein? Donc en fait, je vous explique. Il a sa feuille là, comme ça, devant lui. Et en fait, il avait des lunettes. Et en fait, les lunettes, toc, une petite caméra. Hop, cling, cling. Sans que t'as fait cling, cling. Ah oui, je vois. Genre les... Ça a pris en photo. Ouais. La photo a fait hop dans le corps. C'est passé sur la caméra, sur la montre connectée. Ouais. Qui la montre connectée l'a envoyé à quelqu'un qui était dehors. C'est techniquement possible. Voilà. Et du coup, en fait, lui qui était dehors, bah, il écrivait, tu vois, il faisait ouais. Google. Ouais. Et il renvoyait tout ça au bonhomme. Ok. Sur la montre connectée. D'accord. Mais ils se sont fait niquer. C'est con d'avoir fait tout ça pour se prendre 5 ans d'examen. Ils utilisaient 20 000 balles comme ça. Comment ils se sont fait choper, on sait pas. Parce que moi, avec des techniques bien plus simples. Ah, bref. Oui, c'est clair, une caméra, une GoPro, une petite GoPro. Est-ce vrai ou est-ce faux? C'est faux. C'est vrai. C'est faux. C'est faux. Ça manque de cohérence. Eh bah c'est vrai. Merde. Oh, c'est juste moi qui a de la manque de cohérence dans mes phrases. Ah ouais. Normal, tu as 3 ans. Faut que t'habitues. C'est pour ça. D'ailleurs, bon. Il va comment ton fils il a le pécho un petit peu. Il est en vie. Tu peux le pécho. Oh, c'est pas... Ouais, il en a déjà 3. Trois amoureuses. Ouais, en même temps. J'en avais 5. Il fait devant les autres. 10 joueurs. Ok, ok. Après, au fur et à mesure des années, ça. Mais lui, il peut les embrasser devant les autres. Ah oui. Ah oui, tu pas sais, mal. C'est. Ouais, belle sélection. Pas jalouse. Ah ouais, un REM. C'est quoi, un couple à 4 Un troupe. Un non, c'est un quadruple. Oui. Un quintette. Oui, j'aurais dit un couple. Un quintette, c'est à 5. Un quadruple. Voici mon histoire. Quelque part en Pennsylvanie, c'est aux États-Unis. C'est faux. Anaïs. Se trouve une grosse usine de Mars. Les ouais. barres chocolatées. Les... Merci, je pensais que c'était ouais. la Terre. Ou Bruno. Planète. Non, la planète. Bruno Mars. Ou le mois de Mars. Bref, par c'est une nul. Belle après-midi, un employé se décide à aller goûter le chocolat dans la cuve. Oh. Okay. Il est tombé dedans. C'est des grosses cuves. Hein, il s'est noyé. Non, c'est pas la cuve. Donc il grimpe, il se penche et effectivement, il tombe dedans. Tombe dans la cuve. Et se noie. Non. Dans le chocolat. Non. Il fait Charlie chocolaterie. Ouais, non. Par contre, il crie à l'aide parce qu'il sait pas trop nager. Je vais me noyer, je vais être ridicule à mon enterrement, me noyer dans la cuve de Mars. Voilà tout ça. Donc, ils sont obligés d'appeler en urgence les pompiers qui n'arrivent pas non plus tout de suite à sortir notre homme. Donc, ils sont obligés de découper une partie de la paroi de la cuve pour vider la cuve et faire en sorte que libérer notre monsieur. Oh, et comme putain, on dit, tout le chocolat. Mars, et ça repart. Même c'est faux. Même si la presse l'a pas confirmé, il paraîtrait que c'est un gourmand, notre homme. Évidemment, si cette histoire est vraie. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est faux. C'est faux. Vrai. C'est faux. C'était faux. Vrai. Non. Mais si. C'est pas possible. Si. C'est pas parce que j'ai ils écrit faux. Ils ont pas faux. Pensé, hein ? J'ai écrit faux, tu l'as vu. J'ai pas vu. C'est moi la tricheuse ! C'est moi qui ai triché, j'avais vu faux. T'as vu faux ? Eh bah ouais, mais c'était fait exprès. C'était vrai, c'est une vraie histoire. T'es vraiment un enculé. Non, pour moi, elle est fausse parce que pourquoi mais ils ont découpé la cuve ? Ils peuvent mettre un bâton, ils sont cons. Bah mais, oui. Non, mais je sais une pas. Une canne à pêche, je sais. J'ai pas vu la cuve, enfin, c'était un article, mais j'imagine que le truc devait être haut et que ça devait pas être accessible. Bah donc, si, en fait, il est tombé. Bah oui, non, mais pas accessible si tu veux pour aller le récupérer. Bah tu mets un bâton. Mais je sais pas quand même pourquoi, ils ont découpé la cuve. Des couilles, ils ont découillé la cuve. C'est des Américains, ils font ça en gros. Oui, voilà, ils sont arrivés. Bam, allez, est-ce que je peux vous dire une vidéo que j'ai vue, j'étais morte de rire. C'était, est-ce que vous savez, il y a des machines, tu mets les bouts de carton pliés ouais. sur une machine et t'as un truc qui permet de les fiseler là les ça s'appelle une presse à carton et enfin, c'est courant dans tous les supermarchés. Non mais t'as non mais c'est un appareil où ça écrase les cartons et après ça non, les ficelle ça les... ouais mais la ficelle genre tu poses le carton dessus et t'as la ficelle qui se met automatiquement sur le carton tu vois et pour bah, les c'est... fiseler ah oui je vois enfin ouais. bref ouais. et t'as un mec bah lui qui contrôle ça, il met sa main comme ça pour vérifier. Et t'as le fil qui se met sur sa main. Donc en fait il est bloqué avec le carton au niveau de sa main. Et il se penche pour essayer de se défaire. Et puis il y a sa tête qui se prend avec. Genre il y a le fil qui se met sur sa tête. Il passe sur la chaîne. Je sais pas si j'arrive à vous montrer la vidéo. Il est mort mais Non ben, oh. Non il y a un camarade qui est venu l'aider. C'était le moment on s'en bat les couilles. Non mais non c'est... Si si si je suis d'accord avec ça. Moi je veux pas dire mais j'ai une histoire. Ah, on a t'as une histoire, toi ? Bah ouais. Bon, vas-y. Bah raconte-nous ton histoire. Qu'est-ce qui t'est passé au magasin ? Alors, on est en Bretagne. Ah ! Attention, il se c'est passe faux. Beaucoup de choses en Bretagne. Bah pour le gars, oui. On va l'appeler Jean-Mi. Jean-Michel. Hein ? Ouais, c'est oui, un surnom. Jean-Mi, t'es boulanger, mi de pain. Ouais, j'ai rien à voir avec du pain pour une fois. C'est de la merde. Donc Jean-Mi, tu vois, il est au bar et tout, content avec ses potes et tout. Puis il a envie de rentrer chez lui, voir sa femme. Ça non. arrive. Non, c'est pas vrai. Mais bon, voilà, il veut rentrer chez lui. Et il voit plus son kangou. Ah. Et il se dit, putain, mais où est passé mon kangou ? Je l'avais garé, là. Mm-hmm. Alors il se dit, putain, il devait être vachement déchiré, quoi, pour plus rappeler où est-ce qu'il a garé son kangou. Ta Ferrari n'est pas là ? Tu l'as pas prise avec toi ? Ouais. Tu l'as laissé sur le parking du Macumba. Il cherche et il trouve pas. Du coup, il se dit, bah, putain... C'est con les gars, il va retourner dans le bar, il dit putain ma voiture a disparu les gars. Putain mais ton histoire elle est plus longue que moi en le disant bébé quoi frère. Ouais. Du coup il dit ah bah c'est ballot hein. Il y a personne qui veut le ramener donc il dit bah c'est pas grave hein, je vais prendre le bus. Voilà. Donc il va à l'abribus et qu'est-ce qu'il voit sur l'abribus ? Son kangou ! Son kangou était sur l'abribus. Ouais. Uh-huh. Voilà. Qui l'a mis là ? Il savait plus quoi faire. Qui l'a mis là ? Bah bonne question. Je sais pas. Est-ce que c'est pourraient. Vrai ou est-ce que c'est faux ? Moi je dis que c'est. Moi je dirais que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Ouais, pareil. Ouais. Je pense que... ouais, on en a parlé dans Starter, je crois, plus d'une fois. Ouais. Fait divers. Un kangourou retrouvé sur un abribus. Ça ken. Quelqu'un l'a mis avec un transpalette pour se venger. C'est vraiment, oui, c'est de la vengeance, bâtard, hein. c'est un geste. Mais il n'y a qu'en Bretagne qu'on peut voir ça. Comment tu fais allô, oui, bonjour, on m'a pris ma voiture, oui. On l'a garée sur comment un tu vas expliquer ça, ouais, c'est ça. Ça. T'appelles la RATP, le machin. Les pompiers, ils étaient là. C'est voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a jamais vu ça. C'est quel matos pour enlever un kangourou d'un abribus? Ça aurait été américain, ils auraient coupé l'abribus. Ouais. Exactement. Oui, ils auraient carrément. Laissez là le kangourou, il est bien là-bas. Ouais. Déjà, il n'y aurait pas eu de kangourou. Ça aurait été une Cadillac sur le toit de l'abribus. Ça serait pas rentré. C'est pas le même prix, le même point non plus. Eh non. Galère à sa mère. Aujourd'hui, on a une enquête à résoudre dans un instant. On a deux indices pour le moment, mais c'est pas fini. Et y a on encore, écoute. Des choses à faire. Et avant, on écoute quoi? DJ Zebra. Ah ouais. Et tu te rappelles la dernière fois quand j'ai fait le quoi? Le chant des migraines. Ouais. Je vous ai sorti Killing the Name. The Reds Against the Machine, vous m'avez dit, c'est quoi ça? Oui, et en fait, c'est un mash-tube. Bah, évidemment que c'est un mash-tube. Mash-up, un mash. Ah non, là c'est un mash-up, ouais. Mais là, mash-up. On a Killing the Name de Reds Against the Machine et on a Bombastic de Shaggy. Oui, donc c'est un mash-up. Mr. Bombastic, quel fantastique. Ah ouais, c'est bien ça. Et je fais bien Shaggy. Vous n'imaginez pas tout ce qu'Actu Solide peut faire pour vous. À vrai dire, nous non plus. À vrai dire, nous non plus. Indestar. Bravo. Bravo, t'as coupé le jingle. Bah, je connais, tu vois, au bout d'un moment, c'est la fin de saison. Ça, je connais. Ça sert à rien de montrer que tu connais. Ouais, ça va, moi je connais. Au bout d'un moment, faut arrêter de sauter plus haut que son cul. Tu sais, les connaissances, c'est comme la confiture, plus on en a, plus on l'étale, quoi. Non, normalement, c'est. Ouais, c'est un peu dans la culture, c'est pareil. C'est pas dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ça, c'est. Ça n'a rien à voir. C'est une référence sexuelle. Ouais. Là, en gros, moins t'as de connaissances, plus tu étales ta connaissance, c'est ça que ça veut dire. Plus t'en as, plus tu la montres. Voilà. Enfin, moins t'en as, plus tu la montres, plutôt. Ah oui, c'est vrai aussi. Ouais, c'est, ça. C'est pour ça que je la montre pas. Quand t'en as pas du tout, du coup, tu peux pas montrer. Et ta gueule, toi. Hey, tu sais quoi, on devait partir en week-end ensemble. La vie de ma mère, je pars pas en week-end avec toi. Tu vas quoi? On devait partir au week-end ensemble. Ouais, on va partir pour la vie. Non, mais non. Non, la vie de ma mère. La vie de ma mère. La vie de ma mère. Que je pars pas avec toi. Ouais. Et vu que c'est moi qui ai décidé de faire ce week-end. Ouais. Où je serai dans la galerie. Oui. Mais vous partez pas ensemble. Mais c'est pas vous grave. Arrivez au même endroit, c'est tout. Non, mais, non, mais c'est pas grave. On partira tous ensemble, mais sans toi, quoi. Ah ouais. Ah bah alors là. Bien ouais. Alors là, c'est pas un truc qui va me déranger. Hein. Ouais, genre. Clairement. Tu serais jalouse. Ah, se fait dégage par toi. Tu serais jalouse. Toute la famille part sans toi, quoi. Mais moi je pars avec mon mec, j'en ai rien à foutre. Non, mais ton mec il reste dans les champs. Non. Violence. Il a pas le temps de partir. Ah, la violence. Mais il a pas le temps de partir. C'est ton les mec. Moissons, c'est les moissons. Non, mais les moissons. Il bosse lui. Bah oui, voilà. Il peut pas se permettre d'avoir un week-end comme toi là. Bah ouais, c'est ça. Il peut pas se permettre d'être en arrêt 2 mois pour un soi-disant arrêt maladie de merde. Non, c'est vrai. Moi je fais pas semblant. Je fais pas semblant. Ça c'est le clash ce soir. Ça c'est ce que tu dis, nous on sait pas. C'est envoyé. Bon, pourtant il y a plus important à résoudre. Il y a une enquête à résoudre, les cocos. Bon, c'est une gifle, hein, c'est pas non plus la fin du monde. Ouais, c'est clair, on s'en bat les couilles de ton enquête. C'est pas une gifle, c'est toute la série qui est en péril. Ah, vous avez pas compris l'enjeu. C'est grave. La série Superstore, on en est qu'à la saison 3, ça veut dire qu'il y a au moins 3 saisons où vous ne suivrez pas. Et bah écoute, c'est catastrophique. La paix, c'est terminé. Oh mon dieu. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, bah non, Superstore. Fermez le rideau. Arrête de dire des trucs. Mais ouais, mais j'ai envie de dire des trucs, je dis. Ouais, mais pas n'importe quoi. Pas 10 secondes après. Alors, j'ai un perroquet, frère. Je vous réexplique, si vous venez d'arriver. Vous connaissez peut-être. Ou certainement, pas comme eux. Bon, accélère! La série Superstore qui est dispo sur Netflix. Et allez voir, c'est la vie d'un grand aussi, magasin. C'est un peu comme chez toi. Eh, c'est mon émission, je fais ce que je veux. Et alors, tu te tais aussi? Non, je fais pas. J'adore cette émission. C'est mon émission. Et après, on dit que je suis trop long. Donc, c'est la vie d'un supermarché américain. D'accord? Mais c'est un perroquet, frère. Mais ta gueule! Putain! Je parle plus, hein. Mais dépêche-toi. C'est la vie d'un supermarché américain dans lequel il y a notamment deux acteurs principaux, enfin qui sont Amy et Jonah. Vous m'écoutez? Non, mais moi je veux. Allez, tant pis. Hein. Hop, vous repartez. Vous reprenez les indices. Il y a un moment, il y a eu une tornade à un moment en 2016. Ouais. Et justement, ils devaient s'embrasser à la fin d'un épisode, mais elle l'a baffé. On veut savoir pourquoi. Voilà, ça s'est pas passé. Ils ont trouvé un pied. Il faut sauver les 3 prochaines saisons. Exactement. Merci Anaïs. Heureusement, mon petit grain de maïs suit. Lèche-cul, boudin de maïs. C'est reparti. Allez, allons-y dans le Missouri. Putain, franchement, c'est vraiment dégueulasse dans leur magasin là. C'est Murange et là où je bois 5 là. Et peu photo. Bah ouais, mais toi au moins t'as pas eu de tornade en fait. Si, à moi, je suis une vraie tornade. Et voilà, narcissique de retour. Hein, mais... Bon, on pourrait peut-être aller voir le manager. Je parie que c'était pas dans le script. Glenn. Il est complètement teubé, lui. Limite, on pourrait l'appeler Anaïs, ça ferait la même chose. Même... Non, il l'a dit. Je sais que c'est les managers, mais là, on va aller le voir. Hein. Mais c'est... je sais pas si... On va y arriver. Et je sais pas ce que ça va nous apporter. Hein. Bonjour Glenn. Oh, bonsoir. Je suis Glenn Sturgis. Bienvenue dans notre Cloud 9. Oh, vous souhaitez adhérer au programme de fidélité goût. Un malabar acheté, un malabar vendu? Mais non, réseau de l'acte. On est Actu Solite. Ah, Actu Solite. Bah oui, évidemment. Bonjour, je suis Glenn Sturgis. Je suis le manager de la ta gueule, toi tu l'as déjà dit. Ah, merci. Vous savez que c'est une tragédie. Ah bon? Ah bon? Oh, Amy qui frappe Jonas, c'est comme le petit Jésus qui se prendrait une baffe. Ma femme Jerusha me dit tous les jours, Glenn, tu es comme l'ange de Cloud 9. Tu dois veiller à ce que tes employés se sentent le mieux possible. Oh, j'ai échoué dans ma mission et le Tout-Puissant s'est vengé avec la tornade. C'est ballot. Oui. C'est pas cool. Bon, c'est pas le tout, mais il faut que je ressorte les rayons pour la réouverture cet après-midi. Oh putain, c'est chiant. Mais ça. Je n'ai pas commencé, je n'ai 4 heures. Vous voulez m'aider? Bah, écoutez, oh, putain, ça va être physique ça. Oui. Ok. Mais ok, soyons fous. Alors, je vous explique. Il faut qu'on choisisse les produits les plus en vogue pour les mettre en avant dans les rayons. Ouais. Hein? Ils m'ont installé un ordinateur dans mon bureau. Je sais pas trop comment on utilise Google Trend là, mais on va essayer. Alors. Si je mets la date d'aujourd'hui, donc 2016, le 4 décembre, heureusement j'ai mon petit calendrier lapin que m'a offert Jerusha, ça me donne faim à tout ça. Alors commençons par la nourriture. Qu'est-ce que je dois mettre en avant? Est-ce que ce sont les pommes de terre ou les tomates? Moi je dirais les PDD. Ah bah c'est les patates. Ouais. C'est les pommes de terre, ouais, mais évidemment, sûr. Oui. En viande, je sais pas si je dois mettre plus des steaks ou des poulets. Les gens sont pauvres, donc du poulet. C'est forcément le poulet, ouais. Oui, et d'ailleurs, une grande envolée de poulet depuis des années maintenant. C'est vrai. Depuis des années, les gens sont pauvres, finalement. Oui. Ça me concerne pas, moi. Oh, excusez-nous. Pour les viennoiseries, je ne sais pas ce que je dois mettre sur le panneau des petites brioches fourrées au chocolat. Est-ce que je mets pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Bah oui, c'est pain au chocolat. Chocolatine, c'est dégueulasse, mon pote. Effectivement, c'est pain au chocolat qui ressort le plus sur Google Trends. On voit qu'il y a des gens experts parmi vous. Hein. Je suis des inventeurs. Bah ça se voit, on a un peu de gras. On a de la brioche. Ah oui, c'est vrai que ça se voit. Enfin, même moi aussi, je suis un peu bedonné, on arrange, j'avoue. Et pour manger, il faut mettre en avant les cuillères ou les fourchettes. Les fourchettes. Eh ben, les... Non. Les non quoi? Les fourchettes. Les fourchettes, oui. Depuis 2010, on a une envolée sur les fourchettes. Hein. J'ai jamais vu de fourchette voler, mais... Passons à l'électroménager maintenant. Dans ce rayon, je dois mettre plus de frigo ou de congélateur? Le frigo. Oui, le frigo ressort beaucoup plus que le congélateur. Quoique, je crois que vous, en France, vous avez une grande remontée des congélateurs avec une histoire de bébé, il me semble. C'est vrai. C'est probable. Dans certains petits villages de Picardie. Ah non. Là, on arrive dans un domaine, malheureusement, que je ne connais pas. Vous allez m'aider. Est-ce que je dois mettre en avant les tablettes ou les smartphones? Les smartphones. Eh bien non, ouais. C'était les tablettes. En 2016, une grande envolée des tablettes. Hein. Je savais pas que ça marchait en Vendée. Allons, rayon CD. Ah, ça, c'est l'avenir, croyez-moi. En tête de gondole, il faut qu'on mette les artistes à la mode, évidemment. Vous me suivez, hein? Ouais. Alors, je dois mettre Anafri ou Gifla? Ah bah forcément Gifla. Hein. Mais non, Gifla, elle est bien plus célèbre. À votre avis, c'est Gifla. En plus, elle chante beaucoup mieux. Alors, je mets quoi, du coup? En 2016. Ah bah 2016. Ouais, mais si, c'est Gifla. Je mets Gifla, mais oui, vous avez raison, c'est Gifla, parce que nous sommes en décembre 2016, alors que le mois dernier, c'était en Afrique. Ouais, ça c'est... Et oui, faut pas oublier la date. Ah bon. Dans tous les cas, fallait mettre Lindsay Sterling. Voilà, genre. Lindsay qui? Lindsay Sterling. Je ne connais pas. C'est une anglaise. Ah oui, mais je n'écoute pas de musique, vous savez, moi j'écoute de la grande musique. Ouais, ta gueule. Jerusha adore la grande j'adore musique. J'adore dire ta gueule, Glenn. Mais en même temps, il faut pas être comme ça, voyons. Oh, ne soyez pas méchants. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas. Attendez, il faut que je vous lise mon discours de réouverture du magasin. Vous voulez bien m'écouter? Ça dépend. Alors attention, vous êtes prêts? Oui. Chers amis, bienvenue dans votre nouveau Cloud 9. Comment c'était mon discours? C'était court. Ouais. Oui, alors c'est peut-être, effectivement. Je pourrais y glisser une petite blague, mais je suis pas très doué. Vous en connaissez des blagues? Ouais. Oui, c'est des braqueurs qui arrivent dans un magasin. Oui. Mais il y en a un qui a un petit poil sur la langue, du coup. Comment dire? Il voit les citrons, il veut voler les citrons, et il dit oh les mains! Plus un zeste! À moi! Oh, c'est génial! Quel est le temps parfait pour les suicidaires? Ça a l'air bon, génial! Le temps de la fin? Quand il pleut des cordes. Oh là là, mais c'est triste votre histoire! Mais je vais faire des cauchemars, moi, voyons! C'est le moment de faire une promo sur les cordes. Oui, ah, on pourrait faire ça, oui, effectivement. Mais bon, je vais le mettre dans mon Discord, je suis sûr que ça va être bien. Mais je vais quand même envoyer un SMS à Amy pour savoir ce qu'elle en pense. Alors, chers amis. Comment on fait le S là-dessus là, en appuyant sur S. En appuyant sur S, effectivement, ouais. D'accord. Envoyer. Oh, envoyer. Ça marche pas, c'est énervant. Envoyer. Renvoyer, Amy. Oh, ah bah voilà, ça fonctionne. Là, je crois que c'est parti. Là, vous avez renvoyé un de vos employés. Ah non, mais attendez, j'ai déjà sa réponse. Très bien, Glenn. Mais je pense pas qu'il faut le répéter 4 fois. Oups, j'ai dû l'envoyer plusieurs fois. Oh, j'espère qu'elle ne m'en veut pas. Ah là là, je sais pas pourquoi, mais elle en veut à Jonah. Vous avez trouvé pourquoi, vous? Pourquoi, peut-être. Peut-être. Faut qu'on réfléchisse 2 petites minutes. D'accord, bah, je vous laisse réfléchir alors. Donc, je crois qu'on. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Du coup, j'ai vu que vous étiez avec Glenn. Ouais. Est-ce que vous avez tous les indices? Oui. Alors, c'est quoi? Rumeur Kelly. Kelly, ok. T'as une voix vachement virile à côté de Glenn, c'est. Ah ouais, ouais, je pense que tout le monde a une. Tout le monde a une voix virile. Oui, on a tellement envie de le. Ok. L'autre, on a envie de le baffer, mais alors que ta voix, on n'a pas envie que de te baffer. Hein. Non, c'est... Je sais pas comment le prendre. Deuxième indice. Jonah a été voir Glenn. Ok. Ouais. Et troisième indice. Renvoyer Amy. D'accord. Ah ouais. Donc Kelly a lancé une rumeur. Attends, c'est qui déjà les deux autres? Ah oui. À Jonah. Ah oui. Oui, donc, qui a dit Kelly, à Glenn. Kelly a mis une rumeur en qui voulait renvoyer Kelly. Du coup, bah Jonah a été voir Glenn. Non. Non. Bah non, ça veut rien Kelly dire. Kelly a lancé une rumeur sur la dernière fille. Ouais, Amy. Amy. Ouais. Elle a lancé à Jonah. Ou je crois. Qui l'a dit à Glenn. Ou c'est l'inverse, je sais pas, j'ai pas compris. Bon, allez dire tout ça deuxième, à Glenn, parce que je pense qu'il en sait plus, il connaît plus ses employés c'est que vous. C'est quoi le deuxième indice déjà? A priori, c'était que Jonah a été voir Glenn. Ouais. Ouais. Kelly a lancé la rumeur que Jonah a été voir Glenn pour. Kelly a lancé renvoyer la rumeur. Amy oui, ah, voilà. Pour lui demander de renvoyer Amy. C'est ça. C'est peut-être ça. Allez voir Glenn, lui demander quand même. Hein. Oh putain. Oui. Bonjour, je suis Glenn Sturges. Oh, je suis attends, voilà. Le manager de Cloud 9. Vous êtes? Ah, mais oui, vous êtes les actifs solides, je vous reconnais. Hein. Alors, vous avez trouvé? Peut-être on a peut-être assemblé des morceaux d'indices et tout ça. On alors, a peut-être trouvé un truc. Moi, parce que moi, je me suis creusé la tête, j'ai absolument rien trouvé. Alors, nous, on était sur suite à des rumeurs de Kelly. Mm-hmm. Jonah a été voir Glenn. Bah, c'est vous. Moi, c'est moi, je suis Glenn. C'est voir vous. Je suis Glenn Sturges, le manager du magasin. Pour envoyer Amy. Oh. Est-ce qu'il est venu vous voir pour dire... C'est complètement faux, cette histoire. Pas bien, Kelly, pas bien. Oh, il faut que je le dise à Amy, ça. Il faudrait aussi une autre tornade pour enregistrer l'épisode, parce que sinon, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous, hein? Bah attendez, la prochaine tornade. Oui, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui a été giflé. Mm-hmm. Mais en tous les cas, merci de votre aide. Vous avez sauvé la série, quelque part. Et comme vous avez été sage, vous avez le droit de vous servir en bonbon. Ah, prenez ce que vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas de regarder l'épisode 21 de la saison 2 en espérant qu'on a pu changer le scénario d'ici la sortie. C'est pas la saison 3? Bien c'est sûr. La saison 2, l'épisode 21, c'est le dernier épisode de la saison 2. Tout à l'heure, tu nous as dit saison 3. Là, oui, pour voir l'épisode de la tornade. Et là, nous sommes à la saison 3, épisode 1, évidemment. Ah. Oui, oui, oui. Bon, t'as vu, je suis. Maintenant, je vais dire aux équipes qu'on ouvre dans 4 heures. Et parce qu'ils pensent encore que la réouverture est dans une semaine. J'avoue, je n'ai pas osé leur dire. Faut tout rentrer. Oh, je sais. Allez leur dire de se dépêcher. Ouais. Je vous souhaite une journée paradisiaque chez Clone 9. Merci. Ah, merci, merci. Attends, je vide le rayon de bonbons. Ah, ça, c'est une victoire, ça. Ça donne envie de se victorier. Ouais. C'est tout. Se victoriser. Ça se coupe bizarrement. Ouais, c'est... Bah attends. Ah oui, c'est vrai que... c'est normalement, c'est ça... brut. Normalement, c'est un petit peu moins brut. C'est pas fou. C'est très, c'est très pas fou. Court. Mais le générique de Superstore est très court. Ah bah oui, 3 secondes. Ouais, c'est juste... 4. Je sais même pas comment on appelle ça, c'est même pas un générique si tu veux, c'est un... Un com... c'est genre il y a un titre et puis il y a ce petit jingle. C'est un écran noir et hop. Non, c'est mais un des fois c'est mieux hein, parce que des fois il y a des trucs qui durent trois plombes là. C'est l'introduction. C'est pas l'introduction. C'est quand même vachement plus cool. Ça s'appelle pas une introduction. Ouais, c'est non, l'introduction c'est plus le début de l'épisode et là c'est un intermède musical type jingle. Plan de transition. Plan de transition. Voilà. Et ça me stresse, t'as du scotch rouge sur ton casque. Ouais, t'as jamais remarqué qu'il y avait du scotch que je suis le sketch, le casque rouge. Toi, tu es le casque bleu. Bleu. Voilà. Et toi, bleu. Tu es le casque vert avec des rayures jaunes. Vert avec des rayures jaunes. Tu es malade. C'était nul. Ouais, je sais. Bon, mais c'est sur cette note positive que nous achevons quand même parce que vous avez encore remporté une victoire. Encore. Encore. Qu'est-ce qu'on est je crois que cette année, franchement, à quoi il y a eu une fois, deux fois peut-être que vous avez échoué. Ouais, je crois qu'on n'avait pas arrêté les bombes sur un bateau. C'est qu'un détail. Hein. Alors que là, vous avez sauvé une série, quoi. Attends. Chacun a sauvé une baffe. Chacun ses importances. Chacun ses priorités. Chacun ses priorités. Nous, c'est les séries, les bombes sur un bateau. Ouais, c'est accessoire. Mais c'était MacGyver d'ailleurs. Ah non. Dis si je me. Ouais, ouais, tu. Sens tout seul. Tu te sens tout seul. Elle a un regard vide, Amélie. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Surtout qu'en plus, il est 23h12. J'ai chaud. J'en ai marre. J'ai envie de prendre une douche. J'ai envie de me coucher. Et l'autre, il fait quoi? Il chante. Tu te douches pas? Ah. Moi, je l'ai prise avant. Ah, mais non, mais c'est tout. On étouffe. Ah. Moite. Ouais, j'ai pris une douche juste avant, moi. Moite, ouais. Moite, c'est plus approprié, mais flasque aussi. Mais on a une surprise avant. Ah, on a une surprise. C'est quoi la surprise? Déjà dit. Ah, mais yes. Émission Anaïs demain soir. On a P.K. Avenger, mais c'est pas à moi de le dire. P.K. Avenger, ils sont vraiment trop beaux. Ouais, on a une émission sur les addictions, donc ça va sortir un peu du cadre conventionnel, P.K. Mes addictions. Ouais, j'espère qu'on va pas les collectionner cette fois-ci, mais bon. Façon. On va parler un petit peu, ouais, addiction, genre les addictions aux jeux vidéo, addiction aux addictions. Il y a l'addiction à l'alcool, l'addiction à la drogue. C'est ça, addiction à la drogue. À la boulangerie, addiction à la radio. Oui, en vrai, il y a des addictions surtout. Surtout, ouais. La drogue, la drogue, c'est mal. Tu peux être addict au sexe. Ouais, oui. Mais un sexe addict, mais... c'est moins info, mal. Quoi. C'est, oui. Tu peux... Ah, quoi. Ouais. Bon, bah, c'est globalement, grave. C'est moins mal que d'être addict à la drogue. Ça fait moins mal. L'alcool. Ouais, mais ça doit être horrible aussi. Hein. Alors, ça peut être horrible pour la partenaire, le partenaire. Tu non, vois. Mais oui. Même pour toi, t'imagines, d'un coup, je te parle, j'ai envie de baiser. Il y a certaines situations, ça peut être un peu délicat. Ah ouais, c'est chaud. Quand t'es en attends, rendez-vous d'embauche. Entretien d'embauche. Ouais. Ah, moi je pense tout simplement genre. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez l'aimabilité de me baiser s'il vous plaît? Ça serait vachement gentil. Est-ce que je peux passer sous le bureau? Mais alors, rien, hein, je demande rien, hein, juste une baisse. Pas de promotion, hein, absolument rien. Non mais rien que l'anniversaire de papier mamie quoi. Ah, bah ça c'est normal. T'es en train de danser la chenille et là, pouf. Bah la chenille, tu l'as dans le cul. La chenille qui redémarre, bah, tu m'étonnes. Bah ça va, après on va dire. Ça c'est papy ça. C'est moins important dans ces situations là parce que pire tu vas aux toilettes ou tu te décales. Mais bien sûr que ça se fait lors des fêtes de famille. Bah ouais. T'as pas assez de cousinade pour. J'ai pas assez de famille, je crois. Ouais. C'est ça, tout simplement. L'indice. Toi, c'est entre soeur et frère, quoi. C'est, non, mais cousin. C'est juste qu'il y a tellement de gens qu'au final, ça passe inaperçu. Hein. Il vient du Nord. Non, tu fais ça entre les bagnoles parce que le parking de la famille, tu sais, c'est genre 60-80 bagnoles. Donc forcément, tu te mets entre deux bagnoles, personne te voit. Hein. Mais même pas ça, t'es au moins derrière la salle des fêtes. Ou Bah oui, mais on avait une salle des fêtes personnelle. Désolé. À l'époque. Désolé. Merci, merci. Désolé. Bon. Ensuite, lundi. Oui. Il y a Starter. Ah, Starter. Ouais. Et alors, je me suis dit un truc, Teddy, figure-toi. C'est que Starter, lundi, donc on est sur le design. Alors, on a fait le design automobile. Ouais. Mais on avait tellement de choses à raconter qu'on a fait entre 1900 et 1980. Donc, lundi, ça sera entre 1980 et 2020. Enfin, nos années, quoi. On aura une voiture à mettre dans le garage. Et je crois que la semaine d'après, contrairement au programme qu'on avait prévu, il va falloir qu'on le revoie parce que normalement, on a des invités si tout se passe bien. Voilà, ça sera la dernière de la saison déjà. Mais là, tu nous parles dans deux semaines. Mais c'est pareil pour vous avec Tussolite. Il va vous rester quoi, deux, non, trois non, émissions. C'est faux parce que quoi trois émissions parce que mercredi on a une spéciale et vendredi prochain on reprend la spéciale. Et oui, on a une spéciale dont tu es. On peut l'inviter ou pas? Ouais. On pas. Va décider. On va voir. On va se réunir et puis on verra merci. Si c'est invité. Et ou pas. On va essayer d'avoir Antoine et Nico. Ah, ça serait cool ça. Et pourquoi pas Jolan? Ouf. C'est loin ça, hein, c'est. Oh là là, il est. Vous mais... sortez les vieux du placard. Mais Jolan, effectivement, si tu nous écoutes et que tu es motivé, viens donc à la radio. Et normalement, pour la dernière émission, donc fin juin, donc ça sera toute la dernière, mm-hmm. Normalement, ma mère sera présente. Oh, ta maman. Oh, la vache. Pourquoi Nathalie vient pas aussi pour. Oui, Nathalie. Oui, Nathalie. Ouais. Pourquoi elle vient pas pour la spéciale, ta maman parce qu'elle est pas là. Bah, déjà elle a eu du mal à bouger pour la dernière. Oui. Ouais, ouais, elle a pas encore bougé ouais, techniquement. Ouais, mais c'est peut-être mieux pour elle la spéciale parce que hé, mamie, elle se couche tôt, mais le vendredi soir du coup, le samedi ça va, elle fait la fête. Elle le samedi dimanche pour se remettre. Ouais. Ouais, ça maintenant elle bosse samedi matin, je crois. Chez. Ouais. D'accord. Mais après ça va, c'est ta dernière journée donc t'en fous en fait. C'était ouais, c'est vrai. Tu fais une sieste et puis voilà quoi. Ouais. Puis Nathalie elle va apprécier. Elle s'appelle Nathalie pour toi ? Natacha. Ah, j'ai envie de l'appeler Nathalie. Mais ouais. Je sais pas pourquoi Nathalie ça sonne bien. Et nous ce soir on va un peu chanter, on va vous laisser en chanson mais on va chanter quand même un petit peu. Hein. Oh vraiment ? Je dirais que c'est tradition. Ah c'est tradition. Si vous écoutez Actu Solide depuis des années. Jusqu'à la fin du mois de juin, on vous fout cette musique toutes les semaines. Ah ouais, j'avoue. J'avoue, ouais. C'est la musique. Bah, il reste que 2 semaines. Vous alors. Devez vous rappeler, hein, on est quoi ? On est bientôt. On est même pas encore en été. C'est l'été, c'est donc bientôt. C'est Rabat Sericoun. Bah, c'est le 20 juin, je crois. 21. C'est le 21 juin, la fête de la musique, ça mais sera la semaine prochaine. Il fait chaud comme si on était en été, clairement. Oui, et alors puis. C'est la semaine d'après. En fait, techniquement, nous, mercredi, ça sera le 22 juin, on aura déjà dépassé l'été. Donc autant le faire en avance et répéter la semaine prochaine, ça oui, sera encore. Voilà. C'est l'été ? C'est l'été de Ricoun. Ah, pardon. Ah, bah évidemment. Elle est emblématique. Elle est emblématique pour Actu Solide, en tout cas. Et on l'a fait en mode c'est l'hiver aussi, donc on peut aussi le faire en ligne. C'est hiver. Vrai qu'on l'a fait, c'est Noël. C'est oui, Noël. C'est Noël, voilà. Voici C'est l'été de Ricoun et on chante comme si on était en camping, comme si on était avec les tongs et après et on concours vous laisse de t-shirts mouillés comme si on était des beaufs. Oui. Après on les laisse avec concours de t-shirts mouillés, on fait ça. Ah, on a quoi ? On a Gomard, pas les codes. Ouais, c'est vachement bien ah, ça. Bien, oui, ouais. T'as pas les codes, nanana. Allez, c'est parti, on chante. C'est parti. Ouais, plus fort. Oh, c'est allez, taboulé, allez. C'est l'été. T'as fermé la porte ? Ouais, un petit peu. Y'a le soleil qui chauffe le toit de ma Clio. Coincé dans les bouchons, pas. C'est comme si j'avais un Clio. J'ai la glotte en poussière et la langue en feutrine. Dans moins d'une heure, j'espère que j'arriverai au camping. En place de ma 69 comme les autres amis. Bien sûr. Olaf, mon voisin hollandais, a déjà débarqué. On chante, on dit des blagues, tout le monde se marre. À la fin du repas, moi je sors ma guitare. C'est l'été, saucisse, merguez, taboulé. C'est l'été, chichou, béni, sorbet. C'est l'été, chichou, béni, sorbet. C'est l'été, prends ta crème et viens bronzer. C'est pas fini, hein. Garde de l'autre bout du monde. Viens donc t'asseoir et savourer sa maman. Au concours de pétanque, on a pris la famille. On connaît pas. Non, on va l'inscrire au mur. On s'est noyé, on l'a cherché partout mais on l'a jamais retrouvé. Hey, on l'a pas mis le feu à la soirée disco. Sur la piste de danse on aurait dit John Travolto. On lui a appris les pas pour danser. Je le connais. Bravo. Du coup il a payé une tournée de tequila. C'est l'été, saucisse, merguez, taboulé. C'est l'été, mais faire passer le rosé. C'est l'été, chouchou, beignet, sorbet. C'est l'été, prends ta crème et viens bronzer. Eh, c'est pas fini évidemment. Allez, on est dans le sud. Hop, cher. La bio est chargée, ça penche à l'arrière. La plage c'est fini, il faut retourner. Oh non, déjà. On a pris des photos avant de s'embrasser. Dans le rétroviseur, j'ai vu mes amis s'éloigner. C'est pas grave car c'est l'été, saucisse, merguez, taboulé. C'est l'été, fais passer le rosé. C'est l'été, chouchou, beignet, sorbet. C'est l'été, prends ta crème et viens bronzer. C'est l'été, saucisse, merguez, taboulé. C'est l'été, fais passer le rosé. C'est l'été, chouchou, beignet, sorbet. C'est l'été, prends ta crème et viens bronzer. C'est l'été. Ah, pardon. Mon ami du bout du monde. C'est plus l'été. De te faire du souci. Bon non. Les femmes sont splendides. Bah oui. Ça dépend. La vie est belle. La vie est belle. C'est ça. Et trinquer. Saucisse, merguez, taboulé. C'est l'été. Fais passer le rosé. C'est l'été. Chouchou, beignet, sorbet. C'est l'été. Pour ta crème et viens bronzer. Parce que c'est l'été. Saucisse, merguez, taboulé. Merci. C'est l'été. Fais passer le rosé. C'est l'été, chouchou, beignet, sorbet. C'est l'été, prends ta crème et viens bronzer. C'est l'été, saucisse, merguez, taboulé. C'est l'été, fais passer le rosé. C'est l'été, chouchou, beignet, sorbet. C'est l'été, prends ta crème et viens bronzer. Hey. Allez, pas cher. Voilà, pam pam, salut, salut. Bisous. Bonne soirée. Et attention à la canicule, protégez-vous bien.